de culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Véronique Mire établira une liste de mots débutant par la lettre E dans le Véronictionnaire. On aura aussi le segment plein air de Charles-Antoine Rioux et la chronique télé de Frédéric Bernard. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 18 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut! Allô! Yeah! Hey, qu'on a une belle émission chargée aujourd'hui. Ah, oh, super! Une émission toute fraîche, là, comme la température. Elle est toute propre. C'est ça, toute propre. Mis sur son... Donc, tous les chroniqueurs ont pris leur douche ce matin. Exact. Elle est mise sur son 7h36. Ah, c'est plate, moi, s'il était 37, ça gauche. Marche pas. À 8h, Charles-Antoine Rioux avec sa chronique du Club plein air UQTR va être là. Mm-hmm. C'est cool, ça, parler de choses qui se passent dehors. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard qui va nous préparer un autre crackpot TV. Oh, ho! Avec une série à mettre sur la liste de choses à regarder un jour. Et puis, à 9h, ben, écart, d'habitude, à ce temps, on va faire des gadgets si on a le temps. Voilà. Mais on vous promet rien, tu sais. Non. C'est mercredi. Ayez pas trop d'attente pour ça. C'est pour ça. Les... Mais le reste, vous mettez la barre haute, on sait que ça va être bon. Exactement. On laisse la place aux autres le mercredi. Et justement, parlant de quelqu'un d'autre, une personne qui est particulièrement autre que nous, parce que je le sais, c'est pas moi puis c'est pas toi. Non plus, ouais. C'est une troisième personne, c'est Véronique Mire. Voici le Véronictionnaire. Ah, salut Véronique Mire. Hello! Yeah, enfin de retour après, je crois, 3 semaines. Ben oui, parce que là, on a changé de 2 semaines. On a changé de... T'étais déjà aux 2 semaines, mais dans l'autre semaine. C'est là, ça, tu prends c'est l'autre ça. Autre semaine. Oui! C'est oui, mêlant. Mais je lâche pas, là, je suis là, c'est suis ça. Là. C'est pas important de retenir quelle semaine que t'es, en tant que les gens écoutent tout le temps, en tout temps et tout le temps, partout et partout. Et voilà! Puis on va vous le dire, ça va être quand sa chronique. Et c'est là que ça se passe. Le Véronictionnaire, on est rendu à la lettre E. Oui! On recule jusqu'à la lettre A avec le temps. Mm-hmm. Et la lettre E, ça va être électrisant, édifiant, et peut-être même qu'il y aura de l'éditorial opinion là-dedans. Oh! Qui sait? On sait pas, là. Et oui, donc partie 2, si on suit la logique du Z à A. Parce hein, qu'on y va à l'envers, que... ouais. On a appris ça. C'est encore mêlant. Je garde dans ma tête partie 1 pareil, parce que là... Ouais. On ambitionnera pas ça là, en fait sur, trop, là. Sur la logique des choses. Quand même. Donc, une lettre, encore une fois, ben c'est sûr, hein, jusqu'à A, ça va être toutes des deux parties, parce ouais, que... Ouais. Des lettres majeures. Il y en a, mais c'est très agréable, comme toujours, de faire des choix et des découvertes, c'est, surtout. C'est entertaining. Oh, voilà. Donc, on commence le tout avec un jeu connu, reconnu. La partie peut être longue et moi, je n'y joue pas parce que ça demande beaucoup de réflexion. Rien. Accent aigu. Ou les échecs. Eh oui! Oh. Oh. Hein? Non, c'est pas juste échecs. Long. C'est pas juste long, c'est plate. Non, c'est pas vrai. Ça. Mais l'historique des échecs est très intéressant, même si le jeu, personnellement, je l'aime moyen. Okay. Mais faut vraiment connaître plus les règles que ce qu'on connaît nous. Ouais. On s'entend. Ah ouais, c'est on pas juste les règles écrites dans le carton, genre du couvert de la boîte. C'est pas juste de connaître les mouvements. Il y a des mouvements que les gens normaux n'utilisent pas. Ouais. Non, c'est ça. Puis les bons joueurs peuvent anticiper même 4-5, si c'est pas plus, ouais, coup ils savent à l'avance. Que tu vas jouer ça. Ouais. Donc, c'est quelque chose. Alors, il y a plusieurs légendes quant à l'origine du jeu des échecs. Bon, on disait qu'il y aurait peut-être le roi indien Belkib qui aurait reçu le jeu d'un brahman après avoir lancé un concours d'invention. Destiné à tromper son ennui, hein, bien sûr, parce qu'il s'ennuyait. Ou encore le grec Palamède, qui l'aurait mis au point pour divertir ses compatriotes pendant la longue attente de la guerre de Troie. Mais ça, c'est des légendes. Alors, d'après vous, de quel pays vient le jeu des échecs? En République tchèque. Hein? Hein? C'est tout ce que j'ai. Je suis sûre que c'est un pays asiatique, genre la Chine. Ah, t'es pas loin, t'es pas loin! Il y avait aussi la bonne réponse, on aurait accepté Tchécoslovaquie. Oui, c'est vrai. Voilà. Ben, tu vois, t'étais pas à court. C'est pas la même chose que la République tchèque, puis ça a changé de nom. Peut-être. Ouais, mais ça donne deux réponses, fait que je vais prendre les deux points à la place. Puis comme c'est pas dans l'IA, je sais pas. C'est ça. Donc, d'où vient le jeu? Il vient des Indes. Alors, à la base, ça s'appelait le jeu du... Chaturanga, alors inventé au Cachemire au 5e siècle après Jésus-Christ. Je ne l'ai pas appris par cœur, celui-là. C'est pas ton surnom, c'est Véronique Cachemire. Chaturanga. Non. En tout cas, c'est un excellent restaurant indien à Montréal. Véronique Cachemire. Cachemire. Allez-le. Alors, vient des Indes, mais c'est l'ancêtre du jeu des échecs parce qu'à la base, il ne jouait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, évidemment. Donc, il se jouait à quatre et il proposait tout de même deux innovations appelées à un grand avenir, soit le plateau de 64 cases et des pièces aux diverses composantes de l'armée indienne qui avaient chacune un mode de déplacement spécifique. Fait qu'il y avait sûrement des éléphants. Attends, tu vas voir. À place du cavalier. Vers l'an 600, le Chaturanga passe en Perse où il devient le Chatrang. Et quand les Arabes envahissent l'Empire sassanide, c'est une de leurs plus belles prises de guerre. Ils s'emparent du jeu de Chatrang. Et là, les personnalités des pièces changent. Donc, les soldats iraniens et perses laissent la place au roi, à son vizir, à l'éléphant cheval. Au 10e siècle, apparaissent les premiers joueurs professionnels, toujours arabes, qu'on appelle les Aliyats. Alors, probablement que je le prononce pas bien, mais c'est ça. Il y a personne de l'eau pour se plaindre. Qui, eux, quand ils devaient jouer contre des califs, évidemment, perdaient bien humblement là, pour pas se faire couper la tête. Et progressivement, le jeu a conquis l'Europe. Il y avait une autre légende qui disait que ce serait Charlemagne qui aurait joué la première partie d'échecs. Charlemagne qui aurait comme tout fait, si on suit à toutes ces légendes-là. Mais c'est faux, là. Alors, en l'an 1000, le chatrang est passé en Europe dans les bagages des Espagnols arabes. Et dès le 11e siècle, les pièces s'occidentalisent. Alors, le vizir devient la vierge, puis la reine. L'éléphant devient un évêque en Angleterre et un fou en France. Le rook se transforme en roc, puis en tour. Le changement le plus notable se fait à la fin du 15e siècle, quand la reine, la pièce la moins importante, parce que c'est quand même dans le monde arabe, la reine, c'était moyen. Devient la plus puissante, qui est protégée par toutes les autres pièces. Et selon Goethe, c'est le jeu d'échecs et la pierre de touche de l'intelligence qui a fasciné également Voltaire, Saussure, Wittgenstein ou Beckett. Alors, on y voit là la métaphore de la guerre, de la politique et de la vie, tout simplement. Vraiment intéressant. Quand même. Mais c'est le fun parce que chacun des jeux représente vraiment la société dans laquelle il a été adapté, finalement. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis il y a un évêque, puis un fou, tu sais. Puis il y a des parallèles à faire. Quand même. Je trouve ça vraiment intéressant que la reine soit passée de pas rien grand-chose, à finalement, c'est la pièce que tout le monde souhaite. Puis le roi, il est plat, tu sais, il fait pas grand-chose. Quand il est en échec, là, ça va mal. Le champion du monde, encore connu aujourd'hui, ironiquement, le jeu, l'origine vient des Indes, alors c'est un homme indien. Ah, j'aurais guessé pour un russe, moi. Non, j'avoue. Ouais, ça aurait pu. C'est Tetris, ça, je pense. Chacun son jeu. Mais ça, c'est pas Monsieur Tetris, Robert Tetris. Bobby Tetris, comme on l'appelle. Boris Tetris, là, si on veut rester dans les clichés. C'est bon, ça. Ouais, cliché. Il s'appelle Anand Visvanathan. Et il est champion depuis 2007, quand même. C'est pas rien. Félicitations. Le plus grand jeu d'échecs mesure 900 mètres carrés. Il est dans Harry Potter. Oui. À tous les ans, dans la ville italienne de Marastica, il y a une partie qui se joue avec des personnes, en fait, qui remplacent les pions. Et d'après vous, la plus longue partie d'échecs, combien d'heures a-t-elle duré? OK, c'est en heures au moins par jour. Ça devait être long. Heure. Ben, ça peut être 45 heures, ça fait plusieurs jours. Intéressant. Je vais y aller. On n'est pas dans un nombre de jours, on est dans un nombre d'heures, 20 heures. 9 heures. OK. 20 heures. Hey! Pile 20 heures. En 1953, fait que ça fait quand même pas mal de temps. 191 coups joués entre un Argentin et un Israélien. Ah. Quand même. Quand même. Moi, ouf. C'est non, trop, c'est pas trop pour moi. Donc. Pas si pire. Le Monopoly, finalement. Pas si pire. Sauf que le Monopoly, ça détruit ta vie. Tu finis de jouer au Monopoly, t'as comme l'impression que t'es primé pendant. T'as que des ennemis, tout ça. À risque aussi, tu te sens souvent rejet. Ça fesse. Et je vous rappelle que dans le jeu des échecs arabes, il y avait la pièce L'éléphant dont tu vas parler qui mène justement à mon deuxième sujet. L'éléphant. Ah, que c'est bien fait, ça, cette chronique-là. Quand même. Oh! Donc, l'éléphant, c'est un nom vernaculaire ambigu qui désigne en français certains grands mammifères, dont les mammouths, malheureusement, qui n'existent plus. Alors, c'est la famille des éléphantidés. Il y en a trois espèces qui sont encore en vie aujourd'hui. Oui. Mais en manque une, là. Ben, en fait, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt, qui étaient autrefois regroupés sous l'expression de l'éléphant d'Afrique. Ah, OK. Et l'éléphant d'Asie ou éléphant indien. Donc, c'est peut-être pour ça que t'as éléphant d'Afrique. Ouais, c'est ça, il devait m'en manquer deux d'Afrique. C'est ça, fait qu'on les a suivis. Ben, un d'Afrique, ouais. C'est peut-être pour dire, ben, vous êtes pas si peu que ça, là, on va vous en donner une de plus, éléphant de savane et de forêt. Les éléphants indiens sont souvent les plus petits, là, donc c'est comme ça qu'on les repère, mais, ou qu'on les différencie. Ils sont très bons échecs, par exemple. Oui, c'est ça, oui. Et ce qui est intéressant par rapport aux éléphants, c'est leur trompe, aussi nommée proboscis, alors composée de 15 000 muscles. Et qui pèse une centaine de kilos, juste la trompe de l'éléphant. C'est lourd, ça, à moins que je me promisquisse, à moins que je me trompe. Je vais dire ça dorénavant. Oui, c'est bon, ça. OK. Alors, elle est faite de deux grands tuyaux, évidemment, qui partent de ses narines. Le bout de la trompe de l'éléphant d'Afrique est en forme d'amande, alors que celui de l'éléphant d'Asie est en forme de poire. Alors, c'est une autre distinction. Puis, au bout de chaque trompe, il y a comme une petite excroissance là, qui ressemble à un petit doigt, si on veut. Qui leur sert à justement ouvrir là, les arachides pour la dextérité. Leur trompe leur sert également à boire parce qu'à la taille qu'ils ont, les éléphants ne peuvent pas se pencher pour boire de l'eau. Donc, ils mettent de l'eau dans leur trompe. Mais les girafes le font. Ouais, mais ça leur crée tout un blood de rush. Mais au moins, ils ont un coup pour se rendre. Ouais, quand même. Mais ils boivent pas par leur trompe. Ils se servent de leur trompe pour mettre de l'eau dedans, puis ils la déversent par la gravité dans leur bouche. Parce que s'ils buvaient par leur trompe, malheureusement, ils s'étoufferaient. Ça irait dans leur poumon. C'est ça. Ça irait directement. Autre fait intéressant, les éléphants marchent sur le bout des doigts, hein, quand même, pour un si gros animal. Wow! Comme un chat. Ouais, c'est assez spécial, mais ça, c'est pas aussi gracieux qu'un chat. Ouais. Les orteils des éléphants sont insérés dans leurs pieds et ce qu'on voit au bout, là, c'est seulement les ongles, qui dépassent. La peau de l'éléphant d'une épaisseur d'environ 2 cm, elle est fragile parce qu'elle a plusieurs plis dans lesquels vont se loger des parasites. Mm-hmm. C'est qu'on les arrose à hose super puissante. Ben aussi parce qu'ils ont pratiquement pas de poils ni de glandes sudoripares ou sébacées, donc leur peau, ça sèche très, très, très rapidement. Alors, mais ils n'ont pas de boutons. Quand même. On devrait peut-être essayer d'avoir une peau d'éléphant à place d'une peau de bébé. Là, donc, c'est pour ça qu'ils s'aspergent tout le temps ou qu'ils vont se couvrir de boue là, pour se rafraîchir. Leur cerveau est situé à l'arrière de leur crâne et pèse entre 4 et 6 kilos, ce qui est quand même pas rien, mais comparé à tous les autres animaux, c'est le plus petit cerveau. Ah! Qui a le plus gros, à votre avis? De tous les animaux? De tous les animaux. Bon, j'ai vraiment aucune idée. Je sais pas moi non plus, on dirait. Ça, on dit l'éléphant en a peur, mais c'est faux. La souris? La souris! Là, on parle proportionnellement à leur proportionnellement corps, à sa taille. Ouais, ben, j'allais dire ça en joke, en fait. Oui, oui, c'est ça. Donc, la souris... Mathieu Plante, t'as pas dit Mathieu Plante, ça me surprend. Plus gros cerveau? Ouais, ah, c'est ça, ouais. Ça dépend, je veux dire, t'as le cerveau entre les deux jambes comme tous les hommes. OK, on continue. Alors, dans le monde asiatique, l'éléphant serait symbole de sagesse, évidemment. Mais vraiment, dans la vraie vie, là, avec l'humain, le dauphin, le corbeau et certaines autres espèces de grands singes, l'éléphant est très intéressant. Il réussit le test du miroir de Gallup, ou Gallup, là, je sais pas exactement comment ça se prononce. Gloup. En fait, c'est quand on met une tache sur le front d'un animal, puis qu'on le met en avant d'un miroir, ben l'éléphant va toucher son front, là où il y a la tache, mais pas le miroir. Donc, il s'associe à l'image. Mon Dieu, je connais des humains qui ne passent pas le test. Ils font pas! Puis, il y a aussi certains éléphants, bon, surtout l'éléphas Maximus, bon, celui d'Asie, là, qui est capable d'insight et clair de compréhension. Donc, pour aller chercher de la nourriture dans les airs, il est allé chercher un cube pour monter dessus. Wow. Donc, cool. Quand même, c'est pas rien. Pas parce qu'ils parlent pas français qu'ils sont pas déjà. On le comprend pas, mais c'est ça. Les éléphants. Les Égyptiens, maintenant, sont un peu dans la même catégorie. Hein? Ah. Éléphants, Égyptiens. Pourquoi apparaissent-ils de profil sur les hiéroglyphes? Il était pas bon pour dessiner des faces. C'était plus facile? Ouais. C'était plus... Ah, ben en fait, c'est parce que, selon eux, ils voulaient montrer le plus grand nombre de particularités du corps. Et c'est pour ça aussi que sur les hiéroglyphes, on voit tout le temps la main de revers de verso et lando. C'est comme sur les bandes dessinées où les personnages sont tout attordus et qu'on voit leurs fesses et leurs seins en même temps. C'est comme physiquement impossible. Ouais, genre Superwoman. Genre. Oh, c'est ouais. Ça, pour montrer le maximum de parties tatou, du corps. Et il y a aussi une raison d'ordre religieux. Les Égyptiens croyaient qu'il fallait représenter la personne avec l'ensemble de ses membres ou de ses parties. Pour que quand elle va se réincarner, ben, elle soit pas sans bras, sans jambes. Ah, ben oui. Donc, très c'est important logique. Pour eux. Ça a du sens. J'aurais dû y penser. Quand même. Puis, avant de partir en pause, un sujet que j'ai trouvé très intéressant, les expositions universelles. Ah! Ah, là où on montre tous les pays du monde là, oui, à la même place. Okay. Oui. Donc, expositions universelles tenues à partir du 19e siècle, qui ont pris officiellement leur nom en 1855. C'est les réalisations industrielles des différentes nations là, qui sont présentes. Donc, ce qui leur offre une vitrine industrielle et technologique à chacun pour voir le progrès des différentes nations qui sont là. Alors, avant, chaque nation était présente dans un pavillon central avec sa réalisation. Puis là, ben, comme il y en avait des fois qui arrivaient avec des trucs qui étaient trop gros, ils ont dit « bon ben faites-vous chacun un pavillon ». Quand vous avez des trucs trop gros. Mais là, les nations ont comme fait c'est intéressant. S'ils en ont une, eux autres m'en faire aussi. Ben, c'est ça. Puis là, ils peuvent montrer leur talent au niveau architectural et aussi leur culture par ça. Donc, souvent, ben, chacun va ériger son propre pavillon. Il y a trois types d'expositions universelles ou internationales. Donc, justement, l'exposition universelle, thème à caractère universel d'intérêt et d'actualité pour l'ensemble de l'humanité, qui se déroule environ 5 ans, d'une durée maximum de 6 mois. C'est quand même très long. Et là, chaque participant va faire son propre pavillon. Vous avez aussi les expositions internationales spécialisées, où là, ça peut durer maximum 3 mois à des moments variables. Et ben, c'est souvent les pavillons qui sont construits par les organisateurs et les gens vont les personnaliser, si on veut. Et finalement, il y a les autres, là. Ça, c'est le buffet des continents. Les autres. ouais, peut-être. Ou souvent, ça va être sur l'horticulture ou les arts. Il y en a une cette année, une exposition universelle. Ah. C'est l'Expo Milano, alors qui se passe à Milan, et qui a comme thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». J'avais un point, j'embarquais dans la bonne piste avec le buffet. Là. Ah, ben là, voilà, on voit le lien. Nourrir. Tu l'avais vu venir. Là. Donc, l'alimentation, évidemment, problème de sous-alimentation, tout ce qui est OGM et tout. On estime que de 2012 à 2020, l'événement va permettre de réaliser 33,5 milliards de dollars de plus que ce que ferait Milan en temps normal. Ils vont pouvoir employer directement ou indirectement 191 000 personnes. Mmh. Durant les 6 mois de l'exposition, 29 millions de touristes sont attendus, dont 160 000 par jour. C'est beaucoup, quand même, hein? Pas rien. Il y a 175 pays qui peuvent être attendus, mais 144 à date ont confirmé leur présence. 11 km carrés d'espace vert seront créés pour l'événement. Donc, Expo Milano, si vous allez voir sur le site, là, le pavillon de l'Italie est vraiment splendide. Ouais, j'imagine que le pays hôte, c'est quelque chose. C'est comme les Olympiques, mais en intéressant, finalement. T'sais. Quand même. Ben, en version intellectuelle, disons. C'est ça, mettons. Donc, intéressante pour moi, plus, mettons, les Olympiques. En tout cas, bref. Mais on a eu quand même les expositions universelles, comme c'est des thèmes qui touchent beaucoup l'humanité, ils ont eu beaucoup des sujets redondants. Là, bon, l'ère des découvertes, l'homme, la nature, la technologie. Dans les spécialisations, on a plus la sagesse de la nature, l'eau, le développement durable. On peut avoir l'activité des jeunes au service d'un monde de paix. Donc, cette année, c'est l'alimentation. Puis la mascotte est composée de 11 aliments. Hot dog. Juste des hot dogs. Qui ont chacun aussi leur personnalité. Là. Ça a été créé par Disney, là, cette mascotte-là. Oui. Ah, cool. Donc, voilà pour la première partie. De la deuxième partie. Ah, tu coûtes de la lettre E, hein, c'est ça. Le corps est fait de la lettre E, mettons. On vient avec une autre partie de E tantôt. Plus courte, oui. Plus courte un peu. Mais pour l'instant, on va écouter une chanson. Oui. Alors, j'ai choisi une tune de Weezer ce matin. Ain't got nobody, ouais. Ouais. On va y aller avec ça. On met ça. On met la radio sur le poste. Yes. Puis on va. Dans le révolutionnaire. À son âge. Go back to sleep, honey. Everything will be all right in the end. C'était la pièce, c'était quoi? C'était la première pièce? Hein? Ain't got nobody! Ain't got nobody. Toujours en virant dictionnaire avec Véronique Mire, on était dans la lettre E. Oui! On avance. Et oui, là, je viens de vous parler des expositions universelles et je vais conclure là-dessus. D'ailleurs, je vous rappelle que l'exposition universelle de 2015 aura lieu à Milan, Expo Milano. Et la décision d'attribution a été adoptée par l'Assemblée du Bureau international des expositions, le BIE. Le 31 mars 2008, c'est Milan qui l'a remporté sur Izmir en Turquie. 86 voix contre 65. Ça doit être tough, hein, comme... tu sais, on n'a pas été choisis. Ouais. C'est comme les Jeux olympiques, là. Pis c'est un peu la même ans, affaire. C'est long, 5 ans. Ben, il y en a qui sont quand même plus rapprochés que ça. Donc, ouais. Puis je voulais... Oui, vas-y. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Comment? Ah, excuse-moi. Ah. Hey, je sais pas pourquoi je... Ouais. C'est aléatoire. Ouais. Les dates. C'est comme l'ouverture. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, ils disent que ça doit être... dans une période de 5 ans, mais des fois, il y en a plus que ça là, à l'intérieur de 5 ans. Je vous rappelle qu'en 1967, il y a eu celle à Montréal hein, qui avait comme thème « Terre des hommes ». Donc, c'est toujours des thèmes un peu assez vastes, là, à connotation philosophique, là, si on veut, justement, pour que un maximum de gens aient envie d'y participer. Et en 2020, la prochaine exposition universelle va avoir lieu à Dubaï. Watch out! Sûrement que les coupes, tout ça, ça va être quelque chose. Et le thème, c'est connecter les esprits, construire le futur. Mmh. Et Seigneur, il va y avoir de l'architecture et de fou, là, ouais. Surtout et... à Dubaï. Oh autres, mon ils Dieu! Vont faire quelque chose, ça va être quelque chose. Ouais. Faudrait peut-être que je commence à économiser pour m'en aller là dans 5 ans. Dubaï it now! Ça doit être un beau trip d'aller là. Oui, quand même, hein? Ouais. Parmi les 160 000 visiteurs. Là. Ok. Alors, je change complètement de sujet. Pourquoi les humains s'embrassent-ils? Embrasser? Se changer des bactéries puis augmenter le système immunitaire. C'était peut-être pour des affaires de poison puis enlever le poison dedans. Non, ça, c'est le chin-chin, ça. C'est le chin-chin. Le chin-chin. Ben, pourquoi les humains s'embrassent? En fait, c'est que la peau qui recouvre le nez et la bouche est riche en sébum, une substance qui contient les phéromones. Donc, qui transmettent de l'individu à l'autre les informations qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. Et également parce que l'acte du baiser active la production d'ocytocine, l'hormone qui augmente les sentiments de sociabilité, d'amour et de confiance. Hey, le sébum, il n'y a pas d'émission à Télé-Québec là-dessus, là. Oh, c'est bel et bon. Ben, c'est bon. Rire franc de ma part. Je l'ai bien aimé. C'est un moment à toi, Kalim. Ah, quand même. Puis, on revient vers les trucs, si on veut, universels. Moi, un thème qui m'a bien fait rire. Alors, en 2013, hein, on retourne dans le temps un petit peu, là, mais Barack Obama a dû répondre à une pétition concernant la construction de l'étoile noire ou de l'étoile de la mort. Star Wars. Ouais, c'est pas dans Star Wars. Ouais, exactement. Donc, il y a une partie sur le site de la Maison-Blanche où si on reçoit 25 000 signatures pour une pétition, la Maison-Blanche est obligée de répondre. Mais ça veut pas dire qu'ils doivent faire ce que la pétition demande, mais ils sont obligés de répondre. Alors, 34 500 Américains ont signé une pétition demandant la construction de l'étoile noire. Et la réponse officielle est brillante et geekissime. Alors, je vous donne la traduction parce que j'ai vraiment trouvé ça savoureux. Alors, l'administration partage votre désir de création d'emplois et d'une défense nationale forte, mais une étoile de la mort n'est pas envisageable. Voici quelques raisons. La construction d'une étoile de la mort a un prix estimé à plus de 850 milliards de dollars et nous travaillons dur pour réduire le déficit, pas pour l'augmenter. Deuxièmement, l'administration ne soutient pas l'explosion de planètes. Troisième raison et la meilleure à mon avis, pourquoi dépenserions-nous sans compter les dollars de vos impôts pour construire une étoile de la mort avec une faille fondamentale qui peut être exploitée par un vaisseau piloté par un seul homme? Alors, géniale réponse. Et PS, notre préf, c'est Yoda. Ils ont-ils dit ça? Ben non, ils n'ont pas dit ça, mais il a quand même un peu poursuivi Yoda, c'est meilleur. Ben oui. Qu'ils n'ont pas d'étoile de la mort, mais ils ont des robots assistants qui flottent dans la station spatiale et un président qui sait se servir d'un sabre laser. Si vous faites une carrière dans un domaine lié aux maths, à l'ingénierie, à la technologie ou aux sciences, la force sera avec vous. Souvenez-vous, la puissance de l'étoile de la mort pour détruire une planète ou même un système solaire dans son ensemble est insignifiante comparée au pouvoir de la force. Voilà. Wow. Donc, je trouve que c'est bien quand même. Je sais pas qui l'a écrit ce texte-là. Je sais pas si c'est M. Obama lui-même, mais c'est bien écrit. Oui, quand même. Donc, il y a une bonne équipe de geeks derrière lui, fier, voilà. un autre sujet, commençant par E. Qu'est-ce qu'un exocète? C'est quoi ça? Ça serait un outil genre de mathématiques. Tu m'as fait ça avec mon rapporteur d'encre, mon exocète. Je connais un exosquelette. Ouais. Pas un exocète. Ouais. Un livre d'exocètes de recettes. Mais, peut-être. Oui, mais de recettes extérieures à quelque chose. Ou tu exauces quelque chose d'extérieur à tes recettes. Voilà. Exocète. Ouais. Mm-hmm. Ben, un exocète, c'est quelque chose qui vole, particulièrement un poisson volant. Alors, c'est le nom du poisson volant, l'exocète. Bizarre comme nom. En dehors de l'eau, genre. C'est comme R2-D2 puis C3PO, sauf que ça, c'est XO7. Son nom de code, XO7. Toi, ça paraît que t'as écouté Star Wars dernièrement. Ça paraît t'es rendu un petit peu... Faudrait que j'aille trop content de plugger des affaires de Star Wars pour montrer que, enfin, j'étais un vrai geek, j'ai vu Star Wars. Non, un vrai geek, ça l'a vu au moins 10 fois. La série au complet. Back à back. Ouais. Une journée au complet. Ben, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'il faut que tu fasses. Ah. Ouais, mais 10 fois. Oui, mais c'est ça. Mais tout au complet, un après l'autre. Ça fait combien? Ça fait 9 fois 10, ça fait genre 90 films de 2h30 chaque. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, l'exocète, usuellement appelé poisson volant, qui est capable de planer quelques instants. Alors, quand il vole, il peut au moins doubler sa vitesse et atteindre 60 km/h. Wow! Quand même, hein? Ça doit faire mal, hein? T'es dans un bateau et t'en reçois ça dans la face. Tu fais du surf, hey, je l'ai, bah! Poisson volant rentre dedans. Alors, ils peuvent planer pendant 30 à 50 mètres, mais on a même vu des vols de plusieurs centaines de mètres. Il y a 70 espèces regroupées dans 7 à 9 genres. Ils sont présents dans tous les océans, mais surtout dans les eaux chaudes tropicales ou subtropicales. Vocabulaire en bref pour terminer, j'aime bien ça. Je me suis rendu compte d'ailleurs, mine de rien, en faisant cette chronique-là, que j'ai lu tout le dictionnaire. Je suis rendu à E. C'est quelque chose, quand même. Ouais. Donc, un mot qui est en lien avec la Saint-Valentin, l'érotomanie. Qu'est-ce que l'érotomanie? Quelque chose d'érotique, hein, ça n'a pas choix. Ouais, mais ça a l'air négatif, je trouve. Roto, c'est bizarre. Manie. Ah, c'est quelqu'un qui est excité par les rotoculteurs. D'accord. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui a l'illusion délirante d'être aimé par quelqu'un. C'est ça, c'est négatif, ça. Oui, c'est ça, c'est négatif. Qu'est-ce qu'un effri? E accent aigu, F-R-I-T. Un lait frit? Effri. Du poulet. Comment tu fais pour faire frire du lait? C'est du poule effri. On dit mal, c'est du poule effri. Okay. Un effri, dans la mythologie arabe, c'est un génie malfaisant. C'est une créature de feu et de fumée noire qui naît des flammes. Alors, pour les Égyptiens, les effri ou les ifri... sont les créatures de des terribles sables mouvants. C'est drôle parce que les ifri, tu l'as en variété ifri, tu l'as aussi en variété dans un wok, ça c'est un ewok. Un gag de Star Wars. Un autre. Un ewok après rafale. Le ifri. T'as le ipané, le igrié, puis le ewok. Okay, le ewok, ok. Non. Elle est vraiment bonne. Merci. J'ai juste vraiment allumé trop en retard. T'as allumé ton rond trop en retard. Ouais, c'est ça. Selon les légendes arabes, il y aurait juste Allah qui serait capable de repousser les ifris en leur lançant des étoiles filantes. Donc, étoiles filantes, encore des E. Qu'est-ce qu'un éburné? Ou, ben en fait, c'est quoi que ça veut dire éburné ou éburnéen? Ça, c'est quand t'es allé trop loin dans ta, dans ta cuisson de Ewok. Ah, il a burné son Ewok. Exact. Vous êtes en feu. Alors, on est éburné. C'est en rapport avec les éléphants encore de tout à l'heure. Donc, hein? Il y a la blancheur ou l'aspect de l'ivoire. Ah, c'est plate de même, maudite affaire. Et pourtant, nous autres, on s'alignait dans le noir là, avec le burn. Là. Ben oui. Ou gris, qui sait. Et finalement, qu'est-ce que une éphélide? C'est pas l'enfant boyard, ça. Éphélide, tête de tigre. non, mais ça a la même couleur. C'est noir! Attends un peu qu'on y réfléchisse pour essayer d'insulter le moins de gens possible. Non, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est une petite tache brunâtre sur la peau ou une tache Véronique de rousseur. Outrage! Outrage! Non, mais c'est brun. Oui, oui. Bon, c'est absolument rien. C'est ça un fait. Non. Voilà, c'est ça. Puis j'en ai plein sur mon visage, donc il n'y a aucune insulte ici. Petite tache brunâtre, donc éphélide. Hey, c'était bon, c'était une très bonne chronique, comme toujours. Pourtant, éphélide, on dirait comme des perséides, des insectes. On dirait que c'est lumineux, genre des lucioles. Les étoiles filantes qu'on a sur la peau. Oh, c'est beau! Cute. Donc, une deuxième partie de la lettre E dans deux semaines. Ouais! À Assemblage requis, et c'est les mercredis à 7h30. Mm-hmm. Merci, Véronique Mille. Ça fait plaisir! Bonne journée! À bientôt! Ah, toujours aussi intéressant. Vraiment, on apprend tellement de choses qu'on ne savait pas qu'on avait besoin de savoir. On ne savait pas ça! C'est un peu comme si c'était un film, mais en plus élaboré. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu moins tourné cohérent. Chocolat, qu'on écoute avec Apocalypse tout de suite. On peut-tu en manger aussi? Oui! Des petits kisses. Je les ai déjà finis. Il m'en reste un. On a des kisses en chocolat. En chocolat, en studio. Viens. La pièce Apocalypse de Chocolat, mais pas Carouble. Il ne faut pas se tromper. Chocolat. C'est pas le même groupe. Non, non, non. Au retour, le groupe Carouble. Ils devraient faire un groupe hommage à Chocolat qui va s'appeler Carouble. Ça on dirait Douba Caroucol. Douba Caroucol. Ben, au retour, la chronique plein air. C'est tout le temps qu'on a avant que la pub commence. C'est ça. Ouais. Fou d'excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce mercredi 18 février 2015. Et Stéphanie Paradis, elle s'en allait prendre une gorgée de son smoothie. Lui, c'est Mathieu Plante, puis il fait rien d'autre. Fait rien d'autre. À l'attention! c'est le moment d'aller dehors, un peu comme une armée irait dehors, j'imagine, et se mettrait à marcher en robot, hein? Ben oui. Ouais, c'est ça, un peu, parce qu'on va tous le suivre jusqu'au précipice de la chronique du club plein air UQTR. J'essaie de mener vers l'effet sonore dans l'intro. Ouais, mais on est motivé pour aller dehors ce matin, c'est quand même assez frisqué. Quand même, es-tu prêt à te lancer? Je suis prêt, je prends un ton de la pente, Descends tous en glaçons. Oui. Salut Jean-Antoine. Bon matin, comment allez-vous? Ça va bien toi? Ça va bien. Ce matin, j'ai fait une chronique assez circonstance en fait de plein air, puisqu'on parle de des trucs et astuces, mais aussi des mythes par rapport au fait de se réchauffer quand on est dehors et qu'il fait très froid. Oh! Donc, j'ai quelques-uns des mythes les plus connus, à savoir qu'est-ce que, disons qu'on est en situation de fraîcheur extrême, puis que le bout de nos extrémités commence à être un petit peu gelé. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis si vous avez des questions, si vous en connaissez, ou si je peux essayer d'y répondre, à savoir si je le sais ou non. OK. Donc, c'est un mythe, j'imagine qu'une mythe de baseball va vraiment te protéger du froid. Mais ça, c'est une vraie mythe. C'est pas un vrai mythe. C'est ça. C'est peut-être un mythe aussi, faudrait l'essayer. Je sais pas, j'ai jamais entendu. Mais à voir. À voir. Et se couvrir d'insectes, les mythes en tant que tels? Là, je peux te garantir que ça marchera pas. Okay. Mais ça, c'est des mythes et non des un mythes. Mythe. C'est je, ça. Je mets le matin. Souvent, c'est les pronoms dans une phrase qui changent. C'est ça. Ouais. Ou des fois, une ponctuation, une virgule mal placée. Là. Ouais. Ou des fois, juste le cerveau d'animateur. Aussi. C'est yes souvent. Des fois, ouais. Ouais. Donc, le premier mythe, en fait, sûrement vous avez entendu parler aussi, c'est celui de l'alcool. Ben oui, ben donc, oui, tout le oui monde connaît le fameux Saint-Bernard de chien de rescue de montagne avec le enfin petit baril de cognac ça, dans c'est le c'est trou, vraiment cute, là, par qui, oui, c'est très cute, ouais, mais qui est supposé trouver les gens que dans les avalanches t'ont donné du cognac pour les réchauffer. Okay. Ben, l'alcool, en fait, fait vraiment l'effet contraire au corps quand on en prend sous façon de froid. Ça joue sur la circulation sanguine, sur la dilatation des vaisseaux sanguins, de façon à ce qu'on perd plus de chaleur. Ah. Et en plus, on la sent moins. On sent moins le froid sous les effets de l'alcool. Ça fait que tu meurs puis tu t'en rends moins compte. Ah ouais, c'est ça. T'as plus de fun, ça paraît moins grave jusqu'à ce que tu dessoules et tu gèles. En tout cas, ça, mais t'es ouais, ça brime un peu l'instinct de survie, là, finalement. Oui, effectivement, effectivement. Mais t'as l'air de mourir heureux, au moins. Ouais, au moins. Si t'es mal pris, mais ouais, c'est ça. Ouais, si t'es certain de mourir, peut-être. Si t'as de l'alcool, là, vas-y. Mettons, commence pas à boire avant ça, d'être certain, parce que tu t'aideras pas. Mettons, tu joues pas avec tes chances. Mais mettons, c'est de l'alcool dans le congélateur, en haut d'un certain pourcentage ou en bas d'un certain pourcentage, ça gèlera pas, quelque non, chose comme ça. Effectivement. Donc, est-ce que ça va? Et si c'est mélangé quelque chose qui normalement gèlerait, ça gèlera pas quand même, quelque chose comme ça, je sais pas trop quoi. Fait qu'est-ce que ton corps gèlera pas, mettons? Ah, faudrait que tu changes toute l'eau de ton corps par de l'alcool, par l'alcool. Donc là tu gèles ben, pas. Ben voilà. Ça serait juste ton sang jusqu'à un certain point, si c'était vraiment le cas, pour que t'aies des pourcentages assez hauts pour empêcher ton sang. Donc de là tu mourrais d'alcool. Ouais, de coma éthylique. Ou à la place de le remplacer par l'alcool, tu remplaces par le petit liquide dans les trucs, les sacs là. Tu sais, les ice packs, genre. Ouais, ça gèle. Ça gèle, mais comme mou, genre. C'est comme de la slush. Ben, tu vas quand même avoir le corps slushé. Corps va, le corps slushé. Pas ça, ton corps va triper non plus. Non. C'est un bel essai. C'est un très bel essai. Puis, il y a aussi une autre pensée qui, là, on reste encore sur le thème de l'alcool, mais l'alcool à friction. Des gens qui disent que prendre l'alcool à friction et se frotter les mains avec avant d'aller dehors, ça aide beaucoup. Ben, c'est un peu l'effet contraire aussi. Parce que l'alcool à friction va en fait. Les pores de ta peau vont souvent se dilater et là, on perd plus de chaleur encore. Et c'est pas une bonne affaire. Mais ben c'est lui parfait si jamais tu t'étais collé quelque chose, ça oui, comme une genre, étiquette de prix. Effectivement, ou si tu m'as quelqu'un qui t'a fait des dessins absents avec un Sharpie, là, ça marche très bien pour l'enlever aussi. Bon. Ouais. Si mettons tu colles la langue sur un poteau, hein, de l'alcool à friction, ça va te faire quelque chose. On sait pas. Là, on pose des questions, mais on sait pas. Faut faire attention, hein, parce que les choses comme l'alcool qui ne gèle pas en température extérieur, ça veut dire qu'ils prennent la température environnante. Parce que, je sais pas si vous comprenez un petit peu, du gaz, du nafta, par exemple, du gaz à brûleur en camping ou de l'alcool, si on la met à moins 40, si elle ne gèle pas, ça veut dire que le liquide est à moins 40. Et là, si ce liquide-là rentre en contact avec la peau, on a des gros, gros risques d'engelure à ce moment-là. Ah. Donc, en fait, quand on sert d'un poêle au nafta en camping, c'est, en hiver, c'est hyper important de ne pas se passer sur les doigts. Moi, j'ai un ami qui s'en est versé sur les doigts en tant camping d'hiver. Et il y avait ses mitaines, il en a reçu sur les deux doigts et il s'en est jamais rendu compte avant le lendemain matin. Puis quand il cognait ses doigts contre les poteaux de la tente, il faisait ting, ting, ting, ting. Il y a eu des enjeux très, très, très sévères aux deux doigts parce que le nafta était rendu justement à moins 40. Puis c'est un transfert quand tu colles un corps chaud pour un corps froid ensemble, toujours la chaleur qui va du corps chaud à le corps froid. Fait que ça vide complètement ton corps de chaleur où ça touche, puis ça crée des enjeux. Puis comme on dit en anglais, you have to be careful. You have to be careful. C'est un jeu de mots avec nafta. Il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Je l'avais compris. Merci. Un autre mythe qui s'avère vrai cette fois-ci, en fait, qui nous aide à nous tenir au chaud en ces temps du Québec froid d'aujourd'hui, c'est la barbe. Ce que t'as en ce moment. Désolé, Steph. Ouais, désolé, oui. Steph. Mais t'en as même pas, toi. Non, mais tu as une petite barbe. Mais il pourrait s'il voudrait. Oui. Mais je fais attention pour la garder, tu sais, courte. Toi, tu fais attention pour la garder propre, mais longue. C'est long, quand même. Moi, je prends mes cheveux puis je me fais des nœuds en dessous du menton. Ben, ça marcherait aussi, sais-tu, tu ris, mais ça pourrait fonctionner en cas de froid extrême. Dans le fond, la barbe, ce que c'est que ça crée une couche d'air proche de la peau qui, elle, a moins de risque de partir avec un coup de vent. Parce qu'on a toute une petite couche d'air plus chaude autour de la peau en ce moment. C'est cette couche d'air-là qui nous isole. Mais la barbe, elle, fait vraiment une espèce de prison pour l'air proche du visage, ce qui fait que ça nous tient au chaud durant l'hiver. Fait que oui, messieurs, si vous avez joué dehors, ça, c'est une très, très bonne idée. Je me sens vraiment comme si je parle tout seul en ce moment en studio. J'attends que les filles sont là pour la barbe. Mais ça reste pas neuté. Non, hein, c'est ça marche pas. C'est ça, faire les nœuds dans les cheveux. Mais souvent, tu sais, je vais mettre mes cheveux dans mon foulard, fait que ça me garde au chaud. Ouais, mais du coup, tout ce qui a une poche d'air va fonctionner, effectivement. Ouais. Comme aussi, la tête à Mathieu. Ah, ok, au moins, c'est pas ma poche. Okay. Bon, un truc qui fonctionne très bien pour les gens qui ont souvent froid au bout des doigts. Pas avoir de doigts. Ben, pas avoir de doigts, ça aide extrêmement pour pas avoir froid aux doigts. Mais pour ceux qui ont des doigts et qui ont souvent froid aux doigts, lorsqu'on sort dehors, ça fait plusieurs moments qu'on marche, on n'a pas des mongans, ou ça fait vraiment longtemps qu'on sort froid aux doigts, faire tourner ses bras vraiment, un peu comme on faisait au gymnase pour s'étirer, là, faire des grands cercles avec ses bras, ça va aider beaucoup pour les extrémités des doigts. Ah, tu vas amener du sang dans tes doigts. Effectivement, c'est la force centripète, non, un peu. C'est comme avec la bouteille de ketchup. Même chose, tu la swings. Pour que, ben vraiment, c'est la force centripète là, c'est vraiment la force du mouvement qui va aligner vers l'extérieur, ben ça ramène le sang dans le bout des doigts, ça aide beaucoup en fait comme truc pour le bout des doigts. Ça marcherait pour les jambes aussi, c'est juste plus dur de faire ce mouvement là avec les jambes. Ouais, faut être très agile. C'est ça. Ouais. Ou t'as un ami qui est plus grand, plus fort que toi, qui te prend par les bras, puis qui te tient sur le front, ça peut aider aussi. Bonne idée. Bonne idée. Avez-vous vous êtes quand même drôle. Oui, quand même, effectivement. Avez-vous aussi des idées de mythes comme ça ou de que vous sauter sur place. Des préconceptions, oui. Hein? C'est bon. Pour se réchauffer. Ben, ça marche parce que le principe étant que dès que ton corps fait de l'effet de l'exercice, dès qu'on bouge, ça active la circulation sanguine. Puis une circulation sanguine qui est plus active va générer un plus grand transport de chaleur des extrémités jusqu'au centre de ton corps. Fait que oui, bouger, forcer un peu comme, je sais pas si j'ai déjà donné du sang, mais souvent quand vous êtes trop stressé, ben, il vous demande de forcer avec la main, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ça active la circulation sanguine, même jusqu'au bout des doigts, ça peut aider aussi, effectivement. Sinon, le contact humain, se coller les uns les autres? Ça marche très, très bien, jusqu'à un point d'être dangereux des fois. C'est un protocole. Avant, en premier soin, quand on avait signe, on était face à une personne en hypothermie, puis elle était vraiment. L'hypothermie, c'est quand la température du corps descend, une température qui est au point où le corps n'arrive pas à se réchauffer lui-même. Donc, ça prend une source de chaleur extérieure, sinon la personne est à risque de mourir. Avant le protocole, quand on trouvait quelqu'un en hypothermie, une personne qui n'était pas en hypothermie pourrait se coller directement peau à peau sur la personne pour lui transmettre de sa chaleur. On a vite réalisé avec différence de ses erreurs que ça venait dangereux pour la personne qui ne l'était donne pas, l'air. Parce qu'elle aussi, à moins que ce soit une personne qui soit extrêmement, qui dégage beaucoup beaucoup de chaleur, qui n'est pas frileuse du tout, elle aussi a un risque de tomber en hypothermie. Donc ça fonctionne, il faut faire attention. Par contre, ça peut être risqué. Hein. Sinon, être un moine tibétain et psychologiquement se dire que t'as pas si froid que ça. Je l'ai jamais essayé, mais il y a beaucoup de mythes de moines tibétains, dont celui justement de deux moines qui sont restés pris dans une caverne durant une tempête de neige au Tibet, c'est commencé en altitude, et puis il n'y avait pas de feu, rien pour partir un feu, il était habillé très très légèrement, et les moines tibétains ont une forme de méditation qui consiste à se concentrer sur essayer d'imaginer qu'on est entouré de flammes, et c'est absolument légende, ces deux moines-là auraient survécu à la tempête de neige sans même avoir un feu pendant plusieurs heures à des températures sous zéro. Faut pas sous-estimer la force de l'esprit humain là-dedans, et ça ouvre un point. Si vous partez de chez vous à tous les matins en hiver en vous disant « Ah, c'est-tu qu'il fait frais dehors? » Ben, vous n'avez pas trouvé ça le fun dehors. Mais si on se conditionne psychologiquement, si on se mind, ça peut réellement nous aider à apprécier l'extérieur et le froid. Il y avait une sitcom là-dessus, je pense, sur les moines tibétains qui se protégeaient du froid, ça s'appelait « Moine et l'autre » avec Dominique Michel dans le rôle de Dominique Michel. Hey boy! Feu roulant de plaisanterie. Dominique Michel! Ok, voilà. Un autre petit truc comme ça aussi qui marche très très bien. On parlait d'activer la circulation sanguine en bougeant. Ben, une autre chose qu'il fait, c'est les changements brusques, chaud-froid, chaud. Ben, pas trop brusques, mais les changements alternance entre chaud et froid sur la peau. Donc, si vous sortez de chez vous le matin, puis vous savez que vous êtes dans la voiture, vous êtes genre à avoir froid aux mains quand on vient les premières minutes dans la voiture, en sortant, vos mains sont chaudes, prendre une poignée de neige fraîche, se laver les mains avec, okay, ça refroidit. Après ça, se réchauffer les mains dans vos poches ou rentrer à l'intérieur un peu, faire une alternance chaud et froid. Le froid, ça va encourager vos vaisseaux sanguins à se contracter et le chaud à se dilater. Et ce mouvement-là va faire qu'ils vont s'étirer et ça va activer votre circulation aussi. Ah. Les gens qui souffrent du syndrome de Reno, qui est en fait une vasoconstriction, ces gens-là, au niveau des extrémités, quand ils ont froid, les vaisseaux sanguins se contractent tellement que ça devient douloureux. Hein. Ben, ces gens-là, de faire ça sous l'eau du robinet, chaud-froid le matin avant de sortir dehors, ça aide beaucoup à s'acclimater à l'extérieur. C'est un beau petit truc, en fait. C'est juste de reprendre un peu les mécanismes de notre corps que lui a créé naturellement, pour s'adapter, puis de les stimuler un peu plus. Ça va aider aussi. Pareil pour les pieds, même principe. Puis c'est le fun parce que mettre de la neige sur tes mains aussi, ça fait que tu marques le territoire d'un chien dans tes mains. Donc le chien va venir vers toi, vu que tu es rendu son territoire. Tu es dans la propriété d'un chien. Puis tu vas avoir plus chaud avec lui. Effectivement. Ouais. Dernière chose aussi, si vous êtes face à des situations d'engelure, donc à des moments où est-ce que on a oublié ces trucs-là, où on a juste trop poussé les limites, puis on a des bouts de doigts qui commencent à devenir blancs ou noirs, si vous êtes vraiment, vraiment mal pris, ça c'est vraiment un jeu très très prononcé, là. Ben, commencez pas à frotter. C'est toujours la pire façon à faire. Vous allez juste acheter la friction, ça va juste endommager les tissus qui sont déjà endommagés. D'accord. Toujours réchauffer progressivement, tranquillement, de façon passive, donc pas dans l'eau chaude, toujours de l'eau tiède. On s'assoit sur nos doigts. On s'assoit dessus, quelque chose de tranquille comme ça. Et si vous êtes face à une engelure, allez consulter un médecin. C'est très important d'être traité. Une engelure, dans le fond, c'est un morceau de tissu qui est mort sur votre corps. Ça peut créer des nécroses. Ah ouais. Je pense à mon ami qui a versé du naphta sur le bout des doigts. Bien, il a fallu vraiment qu'on lui enlève différentes couches de peau. Parce que c'était vraiment. Il n'y avait plus rien à faire. Au moins, il n'a pas perdu ses doigts. Non, effectivement, il n'a pas perdu ses doigts. Il a été très, très chanceux, considérant les circonstances, surtout. Là. Parce que c'était incroyable à quel point c'était rendu dur. Toc, toc, toc. Mais ouais, effectivement, il faut faire attention quand consulter un médecin si ça vous arrive. Sinon, devenez un meilleur ami d'une marionnette. Oui. Ça protège tout pour, pour vos doigts aussi. Ça fait bouger tes doigts, quand tu sais parler. On fait qu'on active la circulation. Puis si vous êtes genre à être frileux des mains, mais préconisez les gants à place limiter à la place des gants. Les doigts sont collés ensemble. C'est comme plusieurs personnes qui se collent. Effectivement. les gants, on a plus de surface qui est exposée aux intempéries ou à l'air froid, donc on perd plus de chaleur. Quand on fait le choix entre gants et mitaines, il faut faire le choix entre chaleur ou dextérité avec les mains. C'est vraiment un compromis qu'il faut savoir faire. Ou sinon, il y a les merveilleuses mitaines là, que tu peux enlever le petit panneau et coller avec du velcro. Oui, tu peux choisir en bout de ligne. Ouais. Ça tient pas ces velcro-là, ça se découpe tout le temps. J'haïs ça parce que j'adore ces gants-là. Pour vrai, j'ai trouvé super cool. Mais pourquoi ils en font pas avec des snaps? Oui, tu sais. Ou des aimants, ou des trucs de même. N'importe quoi. Il y en a sûrement, en fait. Il y en a probablement. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a, finalement. Internet. Ouais. Internet. Voilà. Voilà. Ou sinon, si t'es bon en couture, tu peux toi-même poser une snap à la place du velcro. Une snap? Une snap. En Gaspésie, ils disent une snap, je pense. Ouais. Comme ici, on dit une beigne. Une beigne, ouais, c'est vrai. Ouais. Pourquoi tu dis quoi, ça? Ben, un snap. Un snap. Ah. Ah. Ben, coudonc. Ben, voilà. Un bouton pression. Mais de toute façon, en fait, un mot en anglais n'a pas de genre, donc tu peux dire ce que tu veux. Effectivement. Oh, alors qu'en français, j'ai raison quand je dis un beigne. Moi aussi, j'ai un beigne, par exemple. J'ai le droit de dire ma t-shirt si je veux. Ouais, vu que c'est en anglais. Non, c'est dans le dictionnaire, ça. T-shirt, dans le dictionnaire. Ben oui. Ah, oh, Seigneur. C'est pas un petit chandail en forme de T. Là. C'est un T-shirt dans le cas. Voilà. Pour terminer, on a une activité de QTR qui va avoir lieu ce soir. Donc, ce soir, mercredi le 18 février, pour les gens qui nous écoutent en rediffusion. Si vous n'êtes pas le 18 février, vous n'êtes pas ce soir. On rit de vous. On s'en va faire de l'escalade sur glace à la chandelle de glace chez Maïka Aventure, donc sur le bord de la rivière. Il y a encore 3 places disponibles, il y a un maximum. Mais vous pouvez encore vous inscrire. C'est 35$ par personne, tout l'équipement compris pour 3 heures d'initiation, une demi-heure de formation et puis 2h30 de grimpe sur les chandelles de glace. Donc, on parle de crampons, piolets, tout le kit. C'est vraiment pas cher, hein? C'est vraiment pas cher. Absolument, c'est 50$. On a réussi à négocier un beau petit prix avec eux autres. Puis c'est cool. Quand t'arrives au sommet, tu fais quoi? Piolet! Piolet! Puis tu redescends. Mais il demande sur descend après. Mais... Oui, où tu cries piolet! Oui, une petite cloche que tu peux sonner. Souvent, les gens qui ont peur de grimper, on dit monte en haut, va sonner la cloche, fais un vœu. C'est comme un petit truc pour les motiver à. En way, va être en haut. Ou une petite capsule, puis un indice, puis tu le cries. 4-1-2! 4-1-2! Puis il y a un coffre à côté, il faut ouvrir avec les combinaisons. Ouais, c'est ça. La fin, il donne de l'argent. Ouais, ouais. Puis un tigre, puis tout, là, c'est carré. Puis tout. Toujours des tics. Je suis Antoine Rio, on te retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, effectivement. C'est les mardis vers 8h10 et quart. Dans ces eaux-là. Pour une autre chronique du Club plein air UQTR, page Facebook UQT_hier. Toujours, et notre local, le 22-18, Albert Tessier, juste à côté de la bibliothèque, est maintenant très, très, très actif. On a des permanences, il y a toujours des gens qui sont là sur l'heure du midi. On a ce café gratuit à tous les jours. Donc, si vous voulez envoyer un petit doigt d'honneur à Sodexo, venez prendre un café. C'est tellement meilleur. Sauf se réchauffer, ça marche-tu? Un bon café pour se réchauffer? Oui, ça marche. Tout ce qui est breuvage chaud, tout ce qui augmente la température du corps va aider le corps à se réchauffer. Du gingembre. OK. Petite parenthèse avant la fin de la chronique. Une bouchée de gingembre frais a les effets d'augmenter la température corporelle. J'imagine. Ou du sexe. Oui, aussi. Ben c'est ça, ouais. Parce que là, le gingembre, tu ne te la sers pas entre les gingembres. Mais il faut toujours faire attention aux extrémités quand il fait froid, ouais, par exemple. C'est du sexe habillé. C'est ça. Ou en juste pas dehors, pas dans le banc de neige, mettons. Finalement, restez donc chez vous. Ben oui. Faites la vanne sortir. Faut tellement que je me retienne sur des blagues que je voudrais faire devant un gingembre. Mais j'y ferai pas. J'y ferai pas, parce que c'est pas mon genre de faire ça. Non, c'est pas ton. C'est pas ton gingembre. C'est pas. Merci Charles-André. Merci à vous, bonne journée. Alors deux semaines. On va passer tantôt à la chronique de télé de Frédéric Bernard. Ça va être excellent, ça va être la chronique Crackpot TV, mais avant ça, on s'en va entendre Elliot Maginot, voici Young Old au 89.1 FM. Ça a fait des E du virulent tantôt, ça. Ah ben oui, tellement. Ben oui. Très fallu de mettre ça. Tell me what's going on. Elliott, Maginot et Young and Old. Sur l'album Young, Old, Everything in Between, nouvelle entrée en palmarès anglophone. On prend une petite pause au retour, c'est la chronique Crackpot TV avec Frédéric Bernard. On va parler d'une série à écouter, à regarder, à savourer. C'est ça. Fou de chanson. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est le mercredi 18 février 2015 et c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On en est mercredi à 8h30, un peu passé 8h30. Et à ce moment-ci, ce qu'on aime faire, c'est parler de télévision. Tellement. C'est vraiment le fun à faire. Donc voici à Crackpot TV. Avec Frédéric Bernard, bonjour à toi. Ben, bon matin. Vous êtes beau. Hey, merci, toi aussi. Je t'ai... Besoin de lunettes. Je l'ai vu en boxeur au spectacle de la Luitre de lundi soir. T'as ben manqué voyons. Un événement. Ah, c'est lui? C'est lui qui était quasiment tout nu? C'est lui qui était quasiment tout nu. Ah, bon, ben je vois qu'on s'est donné le mot. Ben, disons que tu fais ça, puis dorénavant, c'est l'image qu'on a de toi. Oui. Quasiment tout nu. J'ai des employeurs qui m'ont appelé après ça, des clubs de danse aussi. Et voilà. Le contrat tombe tiède. Oui, c'est ça, puis d'autres se perdent. Donc, Frédéric Bernard, Crackpot TV, à chaque semaine, à chaque fois qu'on se rencontre, tu nous parles d'une série qui n'est pas encore terminée, une série qui vient de commencer, qui est neuve, dans laquelle les gens peuvent embarquer. Ce serait le moment approprié pour embarquer là-dedans, mettons. Oui, exactement. Alors, des séries qui sont toutes nouvelles, récentes, ou que ça fait un petit moment qu'ils durent, mais qui ne sont pas terminées encore. Qui sont méconnues, peut-être, ou moins connues que la moyenne. Un petit peu moins connues. Ou des fois, comme pour la série d'aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement inconnue, mais peut-être, elle rebute certaines personnes et certaines personnes n'ont pas osé s'y aventurer. Comme ouais. Moi, je dois le dire, je fais partie de ces personnes-là qui, au début, n'étaient pas sûres. Et en disant c'est quelle série, vous allez comprendre pourquoi ça peut rebuter certaines personnes. Oui, bien la dernière fois, on avait fait un blitz, on avait vu beaucoup de séries américaines aussi, on avait vu une série française. Oui. On va sortir du côté américain, on va revenir au Québec. Ici. Alors, avec une bonne vieille série québécoise. Alors, vraiment, j'aurais pu aller dans les web-séries. Probablement, je vais y aller un jour dans les web-séries au Québec. Oui, on fait des bonnes web-séries. Puis je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont assez méconnues au Québec puis qui sont excellentes. Mais je pense qu'avec le temps, les web-séries, ce sera un mot qui n'existera même plus parce qu'il n'y aura pas de différence entre une série à la télé et une web-série en tant que telle. Les qualités se rapprochent de plus en plus. Quand on regarde sur Internet, sur YouTube, les gens, ce qu'ils font à la maison, là, c'est assez impressionnant. Oui. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une série qui est bien diffusée à la télé, qui a un diffuseur avec des gros noms. Alors vraiment, c'est comme je vous dis, c'est une série qui a eu quand même un certain budget au niveau de la publicité. Le titre, c'est La théorie du chaos. Alors, sans doute que certaines personnes ont écouté ça ou ont titillé ça. Ils ont vu ça dans leur guide horaire à la télé, puis se sont demandé, il me semble, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être une série qui parle de boxe, en tout cas, je trouve, là. De lutte. On est plus dans la lutte. C'est ça, je voulais dire. Du catch, comme les Français disent, hein, c'est ça? T'es un grand amateur de lutte. Ça paraît. Du sports ball, moi, ça me connaît, t'sais. Donc, la théorie du chaos. Alors, l'idée originale, c'est de Martin Forget. Je sais pas si c'est un nom qui te dit quelque chose. I can't forget it. Je vais t'en reparler un peu plus loin de Martin Forget, alors diffuseur Radio-Canada, les acteurs principaux, alors des gros noms, alors Rémi-Pierre Paquin qui jouait dans Les Invincibles entre autres, alors qui faisait le rocker dans Les Invincibles, Rémi justement. Michel Côté, Gilda Roy, Marie-Soleil Dion et Julie Deslauriers. Mmh. Alors, quand même des gros noms pour une série. Surtout que c'est des épisodes de 30 minutes. Alors, on est dans le petit épisode et surtout, chaque épisode ne se suit pas nécessairement. On tente de se suivre dans l'histoire, mais ça se suit pas nécessairement. C'est format sitcom, tu peux embarquer n'importe quand. Exactement. Tu pourrais manquer un épisode puis ça serait pas plus grave que ça. Il y a une saison pour le moment, 12 épisodes. Alors vraiment, très court. Même pas 6 heures, probablement 5 heures ou en dessous, puis tu t'es tapé la saison complète. Exactement, ça s'écoute assez bien là, d'une traite. Là. C'est des très courts épisodes. Vraiment, il y a une saison 1. Peut-être que tu peux regarder, voir si ça a été renouvelé. J'ai oublié d'aller chercher ça. Ça pourrait être une bonne chose à savoir, c'est renouvelé de cette série-là. Si c'est pas renouvelé, je vais arrêter ça tout de suite, puis on en parlera plus. Donc, je vous lis le résumé, puis ensuite, ben, on se revoit après ça. Là. OK, oui, ça, c'est ton petit résumé maison. Oui, c'est le moment où je sors d'ici, que je lis, puis qu'on part la cassette. OK. La vie de tous les jours peut parfois être redondante, difficile et sans surprise. Carl, qui n'a jamais été du genre à confronter les autres et à relever les défis, doit élever seul ses deux enfants depuis la mort de son épouse. Rajoutez à cela un travail monotone dans un bureau et Carole, son père, qui squatte le jardin en imposant ses règles de vie. Heureusement, la nouvelle vie de Carl débute lorsque celui-ci assiste à un spectacle de lutte. Après une suite d'événements dans le seul but d'impressionner son fils et son père, Carl devient presque malgré lui un lutteur professionnel. Ce nouveau départ lui permet de voir la vie autrement. Avec les conseils de ses nouveaux collègues de lutte, Carl reprendra peu à peu sa vie en main, avec un humour parodiant la vie de tous les jours, des personnages absurdes. Chaque épisode traite une question simple, soit d'ordre familial ou professionnel. On est dans le très court résumé. Mm-hmm. Ouais, mais des épisodes de 30 minutes, non, y a rien 12 à épisodes. Dire. Non, c'est ça. J'ai même pas toffé le 6 heures. Mais tu t'es rendu jusqu'où, mettons? Je sais pas, honnêtement. Tu sais, quand t'écoutes un épisode à reculons juste parce que t'as rien à faire... Je trouve ça plate. Tu sais, au début, j'avais vraiment beaucoup d'attentes envers cette série-là. Je trouvais que ça avait l'air super intéressant. Les acteurs sont cool. Ouais, c'est sûr. Moi, j'adore Rémi-Pierre Paquin. Mais finalement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés. Il y avait beaucoup d'images clichés. Tu sais, par exemple, le chum de la fille gothique. Puis, tu sais, c'est dans le gros cliché gothique. Fait que c'est beaucoup dans les extrêmes, je trouve, dans les images de personnages. C'est pas nuancé. C'est noir ou blanc, selon moi. Et le personnage de Michel Côté m'a rebuté. J'étais malaisée quand je le voyais, agir. Donc, je me suis dit, je me sens pas bien quand j'écoute dans, ça. Dans donc, quel genre, mettons, il est comment, son personnage, mettons? Écoute, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression. C'est vraiment un policier. En fait, c'est un ancien militaire, mais raté. Alors, même la... Bon, ça, c'est la partie chaud drôle. Là. Même la marine ne voulait pas de lui parce qu'il le trouvait trop sévère. donc, c'est un policier, un agent de sécurité dans la vie. Puis, il est assez rough and tough. Mais en même temps, c'est pas la personne la plus intelligente non plus. La personne que... Pas intelligente, mais politically correct. Il est juste pas bon. Politically incorrect. C'est vraiment dans la vie là, de toujours. Je dois dire que je suis assez d'accord sur certains points. Moi, c'est le contraire. C'est une série qui m'attirait vraiment pas. Moi, la lutte, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. La boxe, tellement que moi, je connais pas ça. Ouais, c'est ça, la boxe. Mais on s'entend, tu peux faire KO à la boxe aussi. Là. Ah, tu vois. Ben, suffit juste à ça. C'est ça, je pense que c'est pas mal ça qui s'est passé. Mais si t'as vu l'image, c'est dur de se tromper. T'as-tu vu l'image? Non, ben, j'ai vu l'image, mais pour moi, c'est dur de se tromper. Bon. Parce que je mélange les deux sans cesse. Ben, la boxe, il y a des gants de boxe. Ah! Il n'y a pas des gants de lutte? On ira voir des vidéos tout à l'heure. On peut aussi ne pas aller voir des vidéos. Oui, comme je disais, moi, c'est l'effet inverse. J'étais pas vraiment attiré par cette série-là. Malgré les grands noms qui étaient dedans, on dirait que même à cause des grands noms, moi, ça m'attirait moins. J'aime ça débusquer des petites séries. Ça fait un peu mainstream quand il y a des grands noms. C'est ça, on a l'impression que c'est un peu... Ils misent là-dessus. Ce que certaines personnes vont dire au Québec avec le défaut de nos séries, c'est que les acteurs se retrouvent tellement dans toutes les séries. C'est que Girard est là, puis là, ça va faire, ouais, c'est ça. On mélange les personnages, puis ça, puis ainsi de suite. Là. Ouais. J'avais un peu peur de ça dans cette série-là. C'est vrai que c'est du gros absurde. C'est très... Ben en fait, absurde, c'est très parodique. C'est pas absurde, c'est très parodique. Parce qu'il y a rien, quand on compare ça à quelque chose comme HeroCorp, que je considérais absurde, on n'est pas dans le même monde. Là. HeroCorp, c'est vraiment un univers où on a nos propres règles, où tout est réinventé. Ici, c'est des personnages qui sont parodiés. parodier, oui. Parodien de la vallée. Conjuguez-le à la maison, c'est une émission interactive. Donc, vraiment, c'est des personnages qui sont parodiés, finalement, dans la vie de tous les jours. Alors, ils vont se retrouver avec Carl, qui est le seul personnage qui est un peu qui est un peu comme nous, qui est une personne de tous les jours, finalement, qui va se retrouver confronté comme nous à des situations qui doit relever des défis ou qui doit justement jouer avec ça pour essayer de s'en sortir. Bon, vraiment, cette série-là, on voulait parler de lutte à l'intérieur de cette série-là, mais on voulait parler de ça à un très large public. Donc, on voulait défaire des préjugés par rapport à ça. Donc, c'est dans cette série-là, on va voir fréquemment les lutteurs qui vont se battre sur le ring, qui vont... Entre autres, c'est un des gags de la série qui est assez récurrent où ils vont se parler. Carl va avoir un problème dans sa vie de tous les jours et le ring, ils vont s'en parler en se frappant dessus. Mais ça fait un peu One Trick Pony. Genre, une fois que t'as vu comment ça se passe une fois, c'est comme. Tous les épisodes doivent se ressembler un petit peu, non? Pas nécessairement. Je vais essayer de trouver un comparatif pour en revenir là-dessus. Okay. Je trouve vraiment que c'est. Oui, on a notre créneau de base. On a notre plan de base pour. Bon, Carl a un problème. On va parler... Ah ben, j'ai trouvé la série qui faisait à peu près ce style-là, François en série, que je pense que tu connais très bien. J'adore François en série, oui. François en série reprenait à peu près le même style. Okay. On avait, Bon, je vais pas faire ma critique tout de suite, là. Là, Stéphanie, elle m'est partie, je suis prêt à critiquer. Donc, François en série, on prenait justement, chaque épisode était une question. Oui. Puis tout le long de l'épisode, on essayait de répondre à cette question-là. C'est un peu la même chose. Chaque épisode est un problème, soit d'ordre familial ou professionnel. On essaie de résoudre ce problème-là en passant par le monde de la lutte. Alors, souvent... C'est un prétexte. C'est un prétexte, exactement. On va voir les lutteurs ensuite dans les chambres se jaser. Il y en a un qui met de la crème à main, il y en a un qui fait de la lutte pour payer ses études à l'université. Donc vraiment, on a le revers de la médaille au niveau des lutteurs. Alors le méchant, justement, c'est la personne la plus douce qu'il n'y a pas dans cette émission-là. Puis c'est lui qui fait le méchant dans le ring de lutte, finalement, vu que c'est des histoires qui sont préécrites, là, souvent. Personnage de Michel Côté, lui justement c'est un grand amateur de lutte, le père, alors il s'appelle Carole Hébert, c'est le père de Carl et il va l'emmener justement voir la lutte. Oui, c'est un personnage qui est très très gros, c'est le personnage le plus gros je pense de la série, le plus absurde, puis on sort du Michel Côté habituel, il fait vraiment quelqu'un de... Oui, je dirais un peu comme Stéphanie, là, quelqu'un qui est assez rebutant. Alors, que moi, je suis rebutante? Non! Je te dis que Stéphanie. Stéphanie, excuse-moi, je là. Je te taquine. Lâche ce couteau encore une... c'est pour couper sa bâtonne de Camus. Ah, c'est pour ça qu'il y a tout le temps. C'est pas pour tout ça. Mais je peux me recycler. C'est ça. Fait que c'est ça, non, Carol est assez... Le père est assez rebutant, quelqu'un d'assez rough, qui veut montrer la vraie vie à son petit-fils, qui veut pas laisser de chance, qui va avoir une vision très dure de la vie, qui va inciter Carl à prendre des mauvaises décisions des fois. Pour lui, finalement, c'est souvent... il pense qu'il a toujours raison. C'est un personnage plus ou moins agréable, je dois l'avouer. Mais bon, certaines personnes vont trouver sans doute ce personnage-là assez drôle. Oui, il est le centre de plusieurs gags à l'intérieur de cette série-là. Carl, plutôt intéressant comme personnage. Moi, je l'ai bien aimé, je dois avouer. Vraiment, lui, il va vraiment se retrouver dans ce ring de lutte-là. Il vient d'arriver comme j'ai perdu l'expression. Un cheveu sur la soupe, c'est ça. Un chien dans une soupe, une boule de quille. Dans une soupe aussi, je pense. Tout ça passe dans la soupe. Hein. Ouais. Dans un dallo. Donc, Carl, oui, c'est ça. Alors, il va garder sa vie, son travail, pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille, puisque sa femme vient de mourir. Sa femme qui va apparaître, justement, alors qu'il va être joué par Julie Deslauriers, qui est, dans le fond... Un flashback? Non, elle va être là puis elle va lui parler directement. Alors comme un peu je peux comparer peut-être un peu à 19-2. J'allais dire style. La même chose, c'est la chose que j'ai pas aimé dans 19-2, c'est bien ce genre de cliché là. Fait que là si on fait ça dans j'aime pas l'apparition de Jean. Mais des fois dans les émissions. Dans lui c'est toujours bon prétexte aussi encore un gars comme je dis, c'est une série qui se veut très humoristique, se veut très ouvert au niveau de l'humour. On va avoir entre autres, là, Carl va se poser la question, c'est-tu bien de rencontrer d'autres femmes? Puis on va avoir sa femme qui va être tout le temps là à côté de lui puis critiquer toutes les femmes qu'il va rencontrer. C'est un épisode que j'avais trouvé assez cocasse, assez farfelu. Aide-moi, Obi-Wan Kenobi. C'est bon, c'est l'espoir. T'écroche, man. Moi, je sais. Donc, c'est une série qui se veut à peu près dans ce genre-là. Alors, vraiment, on est dans le monde de la lutte, mais Carl va vraiment essayer de mixer les deux pour résoudre ses problèmes. On va avoir ses enfants qui sont là, sa fille, justement, qui est un peu l'ado, un peu cliché, son fils, qui est joué par, j'ai noté son nom, Elliot Neville Deschaines, probablement... relié de lien de famille avec Chose Neville Deschaines, le journaliste, c'est ça? Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, pas mal ça. Pas mal ça. C'est juste, c'est l'enfant, entre autres, qu'on voit dans, voyons, La Galère. Alors, c'est le plus jeune des enfants dans La Galère. OK, et la fille, c'est Julie Neville Deschaines, journaliste québécoise, âge de 55 ans, c'est sûrement sa mère. Ah, c'est le même. Bon, on fait une recherche. C'est un nom assez. Bon, finalement, il y a 55 ans, il est quel âge, le petit? Il n'y a aucun mérite. Je sais pas, je devrais y donner peut-être. C'est mieux. Ah, 10 ans, proche de 10 ans. Il y a 40 ans. Ouais. C'est peut-être sa tante aussi, on sait pas. Peut-être ta grand-mère aussi. Peut-être ta grand-mère aussi. Comment savoir? Mais en même temps, comment s'y intéresser? Tu peux écrire sur Wikipédia. Non, non, je veux le savoir. C'est comment il s'appelle, Elliot? Elliot Neville Deschaines. Je vous cherche ça pendant que tu parles. Parfait. Mais en même temps, même si c'est sa mère qui lui a trouvé cet emploi, probablement l'enfant acteur en ce moment que je trouve au Québec incroyable. Je le trouve vraiment excellent. Il y a des faces, cet enfant-là fait des faces incroyables. C'est vrai. Je l'ai vu dans La Galère, il me faisait rire, c'était incroyable. Puis là, je le revois dans cette série-là et encore, je le trouve aussi efficace juste par sa présence. Je trouve ça très rare pour un enfant de cet âge-là. Je vous l'ai dit, il est assez jeune là, quand même comme enfant, mais il a une présence puis il joue avec Michel Côté et on décroche les yeux de Michel Côté pour regarder son jeu d'acteur. Il est assez impressionnant. Je le trouve assez drôle, très drôle. Je trouve pas en ce moment si sa mère est bien Julie, mais sa sœur est aussi actrice, Rebecca. Ah, bon. C'est ce que j'ai trouvé à date, mais bon, j'ai pas tout. Elle joue dans quoi, elle? T'as peur. elle a joué dans La Galère aussi, je pense. Elle a commencé à 5 ans dans La Galère. Il y a un premier rôle dans une publicité des yogourts d'Alino. Ah, bon, mais ça, c'est Donc vraiment, on a ces personnages-là, alors on est dans le monde de la lutte, et chaque épisode, comme on l'a dit, on n'est pas obligé, c'est pas une histoire qui est suivie. Alors, on va chaque épisode traiter un nouveau sujet à l'intérieur de ça. Ils ont quand même vécu un entraînement de 2 mois intensif de lutte pour faire cette série-là. Ben, j'espère. Ouais. Tu sais, ça a l'air de rien, mais il faut que tu t'entraînes pour faire ça. Il y a des passes quand même difficiles, même si tu te bats pas pour vrai. Là. Ils ont des vrais. C'est ça, ils sont sur scène. Dans le fond, ils sont dans un entrepôt quand ils tournent ça. Mm-hmm. Ils ont vraiment reproduit une salle de lutte dans un entrepôt. Dans un entrepôt. Avec des lutteurs qui sont là comme cascadeurs. Alors, ils ont engagé des lutteurs professionnels pour faire les cascadeurs et ils ont vécu 2 mois d'entraînement intensif ensemble, tous les acteurs de cette série-là. Ben, des acteurs qui faisaient des lutteurs. De la lutte, là, oui, sinon c'est ça. Pas vraiment utile. Et le fantôme de l'autre, pas besoin. Parce qu'on s'entend, quand on regarde un ring de lutte, on se dit, ah, oh, tu sais, ça a l'air moelleux, le sol, c'est des élastiques sur le côté, mais c'est pas vrai. C'est un plancher, de planche de bois, puis c'est des cordes de métal. Là. Je pense tu m'arrêteras si je me trompe, je pense qu'ils font un plancher spécial, justement, pour que ça fasse un gros boom. Ça rebondit un peu, ouais. C'est quand même... C'est pas fixé là, mais ça rebondit un peu, mais c'est du bois, là. C'est pas des matelas, là. Et il montrait, j'ai vu une vidéo où il parlait justement de cet entraînement-là. Et Rémi Pierre montrait des bleus qu'il y avait. Non, ça a l'air. Ils sont vraiment entraînés. Ils sont vraiment entraînés où le maquillage est bon. Puis ce qui est drôle, c'est Gildor Roy. J'imagine que lui, à la place de faire de la lutte, il fait juste l'instrument de la lutte, genre tout le long, puis il chante du country. Hein. Vous avez ça qui fait Gildor Roy dans cette mission-là? Mission de lutte? Non, il fait pas ça. Tu m'enverras une vidéo pour expliquer ta... Je me souviens même pas de lui dans la série. C'est l'entraîneur, c'est le propriétaire, dans le fond. C'est lui qui est le coach, si on veut, un coach de vie. Tu vois à quel point j'ai été temps, marqué. Hein? Ouais. Mais c'est un chanteur country, pour ceux qui savent pas. Laisse donc faire. Ah, pas vrai, c'est un chanteur. C'est vrai? Non, je savais pas. Hein? Ouais. Ben là, tellement. Gildor Roy? Je savais pas. Je suis pas tant que ça, Gildor Roy. Non, mais tu sais. Je peux vous dire que Stéphane Crête a fait des cours de mime, mais je peux. Au moins, t'as des références. Oui, j'ai des références. J'en ai quelques-unes, celles que je veux. Non, c'est ça. On va avoir Gildor Roy qui va être dans cette série-là aussi, qui va jouer finalement le coach de vie dedans. Mais on a des situations pour revenir un peu à l'absurde aussi, ou un peu à la parodique, on a des situations, oui, qui sont un peu clichés, comme on disait, deux lutteurs qui s'aiment pas. On a le gentil qui est un peu le cruiser, si on veut. On va le dire, c'est un douchebag. C'est un douche qui est là, qui est avec, qui est un lutteur professionnel, dans le fond, qui joue le rôle du gentil et qui va chicaner souvent avec Carl. Et les deux, à un moment donné, pour essayer de les réconcilier, ils vont les mettre dans la fameuse cage. Mais ils vont les laisser là pendant une nuit. Alors pendant une nuit, l'épisode c'est que ça. Pendant une nuit, on va voir les deux lutteurs qui vont chicaner, qui vont se parler. Comme toutes les séries où ils sont emprisonnés dans une pièce quelconque pour résoudre leurs problèmes. Exactement. Fait que c'est une série qui se veut vraiment léger. Là. On va pas dans de l'humour là. La plus recherchée, on doit l'avouer. Ouais. C'est pas l'écriture la plus difficile à suivre. Puis en plus, chaque épisode est traité séparément. Ouais. Puis les personnages sont faciles aussi à suivre. Là. Les relations entre eux est pas trop compliqué. Non. C'est assez simple. C'est assez simple. On se casse pas la tête, on se casse pas. J'ai marqué pas vulgaire justement pour l'humour qui est très accessible. Alors on pourrait écouter ça avec des enfants sans problème. Oui. Les lutteurs. Alors les lutteurs sont au nombre de 3. Peut-être un peu plus que je reprocherais un peu peut-être à la série. Les lutteurs sont très. On en a 3. C'est les 3 qu'on voit tout c'est le temps. C'est les seuls. C'est les seuls. Pas grand variété. Puis là-dedans, je compte Carl, là, ouais, qui est le personnage principal. Donc on a 2 lutteurs là, dans un le fond. Un petit là. Casting. Un petit. Et puis le reste, c'est que des figurants qui sont là qu'on va avoir. Donc on a vraiment les acteurs que je vous ai nommés, c'est pas mal les acteurs qui sont récurrents, qui sont là souvent. On va avoir quelques invités dans certains épisodes, mais vraiment, on va avoir un petit casting, quelques acteurs qui vont être là. Mmh. Mon avis? Oui, ton avis? Je serais déjà rendu là. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait mes points, fait que... Ouais, c'est ça, trouve-toi un point, un système de pointage, tu sais comment c'est important ici? Oui, c'est ça. On attend rien que ça. Ah, je voulais dire, oui, j'ai oublié ça, je l'ai mis en bas en plus. Petit fait cocasse, alors Stéphane Lapointe, celui qui réalise ça, c'est lui qui a fait les maîtres du suspense, alors ils ont fait ça en parallèle. Ok. Fait que en travailler, c'était juste ça. Cool. Michel Côté, ça faisait 13 ans d'absence quand même. Ah. Je recherchais c'était quoi qu'il avait fait. Ça faisait combien de temps justement là qu'il était pas revenu à la télé, à la télé ouais. Et on parlait de son personnage justement, et c'est à cause lui de son personnage qu'il a décidé de revenir, parce qu'il trouvait que ça faisait un gros clash, et c'est vrai, avec excusez l'anglicisme, avec ses personnages qu'il fait d'habitude. Alors vraiment, on a un personnage qui est pas attachant du tout dans cette série là quoique je trouve que dans le sens de l'humour non plus, son personnage était plus en tout cas, moins là. Je trouvais qu'il était plus ou moins attachant dans le sens de l'humour là. Martin Forgette, celui qui écrit ça, c'est quand même quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Alors, celui qui écrit ça, qui a une plume là-dedans, c'est lui qui a fait Kilomètre Heure, entre autres. Puis on va avec Gildor Roy, entre autres. On va revoir beaucoup de choses qui font penser à Kilomètre Heure dans cette série-là. On reprend et beaucoup d'autres des affaires faits drôles, dans mettons. Ouais. Ce qu'il y a dans Kilomètre Heure, ça va, je trouve. Pas très drôle, ça, à mon avis. Il a pas fait que de l'humour, il a écrit des épisodes de 19-2. Je trouvais ça quand même drôle, la séparation 19-2. Aïe, ouais. Tu t'attends pas, Kilomètre Heure, wow, 19-2. Ouais. Kilomètre Heure, il a écrit 19-2, puis c'est les deux que j'ai notés, mais il en a écrit vraiment plein d'autres. Polyvalent. Il a écrit des épisodes de Tout sur moi, donc il a vraiment écrit beaucoup de séries. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'expérience. On se retrouve dans cette série-là, c'est des acteurs, un réalisateur, un scénariste qui ont de l'expérience. Ouais. Ils savent comment ça fonctionne, tout. Bon, maintenant, je vais revenir au point que je voulais faire, la critique personnelle. Alors, je vais y aller avec je vais commencer par... On va commencer par les points négatifs. Okay. On va faire un changement. Ouais. Je le disais, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Bon, peut-être un peu décevant avec toute cette expérience-là. On dirait qu'il s'appuie sur cette expérience-là, justement. On ramène un humour qui est pas avant-gardiste, mais qu'on connaît. De base. Qui est de base et qu'on doit malheureusement reconnaître qu'il est efficace pour la majorité, majeure partie du temps. Ça peut être même un point positif pour certaines personnes. C'est un humour qui a fait ses preuves. Alors, c'est pas recherché, là. Tu sais, t'auras pas comme, hey, wow, c'est dommage intelligent comme gag. T'sais. Non, c'est ça, mais on a des situations qui sont assez cocasses, que je trouve quand même le fun avec la lutte. Justement, c'est beaucoup les gags qui sont novateurs, sont beaucoup en lien avec la lutte, finalement, là. Avec cette relation-là, de la lutte, de la vie de tous les jours. Autre point négatif, le personnage. certains personnages, oui, effectivement, qui sont un peu clichés. L'adolescente rebelle qui veut pas être d'accord avec son père ou qui veut se rebeller finalement de la famille, mais qu'à chaque fin d'épisode, elle se réconcilie avec son père. À chaque fin d'épisode. Donc, on a un peu ça. Des personnages, des fois, oui, la parodie, d'accord, des fois, c'est un peu gros qu'on essaye de nous faire pousser ça. En fait, ce que je dirais, le point négatif, surtout là-dedans, c'est que si tous les personnages étaient parodiques et qu'on embarquait là-dedans et qu'on allait à fond dans la parodie, sans doute ça passerait un peu mieux, parce qu'ici on dirait qu'on a une certaine retenue, entre autres le personnage principal qui est pas parodique du tout. Alors il y a rien de surréel, il y a pas de situation surréelle non plus, tout est très possible. Alors on a des personnages qui sont surréels dans des situations très réelles. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je trouve, ça concorde moins ensemble des fois. La présentation, moi je l'ai mis dans un point négatif. Ah, okay. Comment s'est présentée cette série-là? Surtout le résumé qu'ils ont fait là, c'est plate, c'est plus sur tout TV pour non. avoir recherché. Le DVD est sorti, hein, fait que. Ils n'ont pas déjà. Fuck la gratuité, ça. Ils n'ont pas déjà sorti du DVD. Ouais, c'est maintenant disponible sur DVD, iTunes et en vidéo sur demande depuis le début du mois. Peut-être le 3 février dans ce coin-là. Ah, oh, ouais. Ça vient juste de sortir. C'est pour ça que c'est plus nulle part sur Internet, sauf sur YouTube à 2$ l'épisode. Bon, ben attendez la saison 2. Imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Non, c'est juste 12. Attendez la saison 2, ils vont remettre la saison 1 pour essayer d'aller chercher du c'est public. Ça. De toute façon, c'est quoi? T'as 12 épisodes? Oui, ça fait 24$. Achète le coffret. Achète le coffret DVD, tu vas avoir en plus la boîte tout ça. Pour vrai, puis tu peux le revendre après, contrairement à la vidéo que t'as acheté sur Internet. Exactement. Ben oui, et oui. Pour ceux qui voulaient savoir pour la saison 2, là, tant qu'elle est dans ce coin-là de sortie et de tout point TV, la saison vient de se terminer genre à la fin de 2014. Ouais, ça. Donc l'information n'est pas encore sortie sur la saison 2. Sur la page Facebook, on dit qu'on va nous tenir au courant dans les prochains mois. Voilà. Bon. Je disais donc. Donc, oui, surtout que pour la saison 2, ils ont fait quand même... ça, je dois le reconnaître, c'est une belle ouverture pour la saison 2 qu'ils ont fait. Il y a une belle finale, je trouve, dans cette série-là. Moi, j'ai trouvé très drôle, en tout cas, la finale de cette série-là pour amener à la saison 2. Ça donne... potentiel saison 2. Oui, ça donne le goût. Moi, la saison 2, je vais l'écouter. Ça donne le goût de l'écouter juste pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. Okay. Donc, je parlais des personnages. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre comme point? Ça veut dire la façon que l'émission est montée, présentée, je pense. Oui, pas c'est ça, présentée. Dans le fond, sur Tout TV, comme je m'en allais dire, sur Tout TV, on a un résumé que j'ai lu plusieurs fois avant de m'engager dans la série. Okay. Je trouve que le résumé est pas super accrocheur. Ça te le vendait pas du tout. C'est exactement ce que je devrais dire. Ouais. C'était pas super vendeur, okay. Je trouvais. Moi, j'aime pas ça. On disait hey, Michel Côté, Rémi-Pierre Paquin. On mise sur les choses qui vont intéresser le public. Hein? Ouais. C'est ça. Pour Radio-Canada, ça fait. On peut dire ça fait changement. C'est quasiment novateur. Ça fait TVA. C'est ça que je m'en allais dire. On s'attend de ça de TVA. C'est genre, on a rien à dire, mais on a Michel Côté. On a Rémi-Pierre Paquin. Mais c'est vrai qu'en même temps. On dirait le petit méchaud. Bravo! Bravo! Slow clap. Je suis d'accord. Ouais. Avez-vous écouté ça, petit méchant? J'ai écouté le premier épisode. Les 15 premières minutes. Ah, c'est okay. Assez, j'avais compris le principe. Ouais. Encore Rémi Girard, j'avais compris le principe. Ouais. Ça va faire. Faut mettre un point quelque part dans la vie. Mais c'est assez. Moi, j'ai quand même donné une chance supplémentaire. J'ai regardé le deuxième, le troisième. J'ai continué. Je me suis dit, quand j'ai rien à faire, je peux mettre ça en trame de fond. Et ça s'est amélioré. Okay. Le premier épisode a été un flop total, mais c'est moins pire. Ouais. Honnêtement, c'est un peu moins pire. Là. Il n'y a plus autant de trous, si on veut. Il n'y a plus autant de longueur. Je te dirais qu'ils ont pris un autre rythme. Regardez, j'ai une scie dans mon bureau. Hein. Regardez, j'ai un petit truc dans le Jelly Bean. Même dans le deuxième, c'était long. Tu sais, quand ils s'assoient et que la musique n'arrête pas en même temps, ils l'ont refait. Ah, c'est long, mais c'est là, long. Moi, non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose de malaisant, mais je te dirais que ils ont coupé un peu dans les longueurs. Ouais. Là. Moi, j'aimais la. Je sais qu'on embarque sur tout à fait d'autres choses, mais le Timmy Show, j'ai aimé la présentation. On parle de présentation. C'est vraiment parfait là, comme imitation du Tonight Show. Aux États-Unis, parce que moi je voyais un parallèle entre le Timmy et le Tonight Show. Oui. Je pense que c'est comme voulu, mais c'est parfait. Les angles de caméra qui passent derrière Claude Meunier, c'est vraiment parfaitement une imitation. Le thème d'ouverture est vraiment c'est cool. C'est génial. Les culbutes dans les airs, c'est parfait. Parenthèse, présentation, je suis pas sûr qu'on en a parlé encore de la présentation de la théorie du chaos. C'était pas vendeur. C'est surtout qu'on nous dit, on a tels acteurs, on a tels grands noms qui sont dedans. Ouais. Quand on lit le résumé, il fait 4 lignes et on nous dit, dans le monde de la lutte professionnelle, Carl va vivre des événements. Dans un monde. C'est quasiment ça. On nous dit, c'est de la lutte. Et c'est en même temps pas rendre hommage à cette série-là, parce qu'une fois que je l'ai écouté, une fois que j'ai embarqué dedans et je l'ai écouté au complet, on se rend compte que oui, la lutte, mais au-delà de ça, vraiment la lutte est prétexte là-dedans. On fait la lutte pour du gag, on veut découvrir le monde qu'ils connaissent pas, bien le monde de la lutte. Je pense que c'est une bonne introduction, si on veut. Pour le gag, c'est pas on va rien apprendre là-dedans, mais ça donne le goût des fois de regarder de la lutte, de voir ça finalement, les coulisses. Non, c'est pas juste de la lutte, puis pour quelqu'un que ça l'intéresse pas, va pas être agressé par ça, par quelqu'un que ça l'intéresse, ben il va être interpellé, donc oui. Je pense que c'est quand même assez large là, de ce côté-là. C'est un peu là-dessus, je pense qu'ils ont bien réussi. Une fois qu'on a écouté la série, on s'en rend compte. Il y a un bon dosage. Ouais. Pour ça. D'après moi, oui, il y a aucune scène de lutte. Ça m'est pas arrivé de voir une scène de lutte et de faire comme ah, pas encore. Ouais. Non, c'est. Ça passe bien. Ça passe très bien. J'ai trouvé drôle, moi, les scènes de lutte. Je les aimais bien, même. Là. Cool. Je suis pas fan de lutte à la base. Puis pour finir, dans les points négatifs, pas assez de risques. Cette série-là prend pas assez de risques. On a des gros noms, là. On a des gens qui ont de l'expérience, un réalisateur, un bon réalisateur, un bon scénariste. On serait capable. On sent des fois, puis c'est ça que je trouvais dommage. On voit qu'on essaye de prendre des risques, mais on l'assume pas totalement pour une raison quelconque. Parce qu'on veut une deuxième saison, on veut pas se repousser trop de public. Peut-être. Je sais pas, je serais pas capable d'expliquer pourquoi ça. On a des fois qu'on tente, peut-être dans la saison 2, ils vont essayer des sujets un peu plus difficiles, si on veut. Mais ici, c'était des sujets, ma femme est morte, alors comment m'occuper de mes enfants? Mon adolescente m'écoute pas, alors comment me réconcilier avec mon père? Comment avoir un meilleur salaire? Alors c'est ça les sujets des épisodes souvent. Donc c'est des sujets qu'on a déjà vu, qu'on a déjà parodié finalement. Mais souvent une première saison, on essaie d'établir les bases peut-être un petit peu. Oui, il faut leur donner ça. J'imagine, il y a beaucoup de séries qui commencent comme ça la première saison et pas nécessairement représentative. Et ici c'est que peut-être qu'on donne moins de temps si ça fonctionne pas, donc peut-être qu'on n'aura pas la chance. Mais ça devrait de pas, on devrait pas penser à, on va voir si ça fonctionne avant de se donner. Ouais. Tu sais, si tu regardes par exemple Série Noire qui est une série qui a pris des risques incroyables, ben toutes les fans se sont battus pour avoir une autre saison, donc c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est une série qui s'est donnée à fond. C'est ça. Puis on a d'autres choses qui s'en viennent après. Ils se sont essayés, alors que tu sais, je penserais pas qu'il y a des gens qui vont signer des pétitions pour que, mettons, la théorie du chaos revienne si ça revient pas. Je penserais pas. Non, pas c'est sûr. La théorie du chaos, elle nous fait passer des bons moments, mais c'est pas quelque chose qui va soulever des foules. C'est ça. Comme Série Noire qui était tellement novateur, qui était tellement surprenant. Oui, Série Noire, j'en parlais avec quelqu'un. Oui, je trouve que Série Noire, des fois, bon, elle avait une baisse, on s'essayait sur certaines affaires, mais c'est parce qu'elle prenait des risques, justement. Oui, des fois, on disait, ah, ça, c'est moins bon, mais ils ont quand même essayé ça, puis ils ont ramené ça. C'est vraiment original comme série. Ici, on prend ce qu'on connaît. Ouais. On sait que ça fonctionne, ça fonctionne sûr. Bien. Ouais, c'est au niveau de la réalisation, au niveau de comment c'est tourné, je dois le rendre hommage au réalisateur. On pourrait croire que c'est à la caméra fixe, mais non, c'est caméra quand même épaule. Bien tourné. Caméra épaule, dans le ring de lutte, on est dans le ring de lutte avec eux autres. C'est bien tourné, ça on doit leur donner. De la façon que quand Crémy, Pierre, Carl finalement parle avec sa femme, les scènes qui sont tournées comme ça, on ne va pas y aller du facile de juste couper, pointer le visage de Carl qui parle, pointer sa femme qui répond, pointer le visage de Carl qui parle. Non, on va vraiment introduire la femme à l'intérieur dans une mise en scène. Donc, la mise en scène est quand même bonne. Puis, il faut, on parle de lutte, on n'a pas le choix de faire des bonnes mises en scène dans un ring de lutte. Là. Faut pas qu'il se blesse, pauvre petit. Point positif, c'est tout public. On peut, c'est une valeur sûre. Vous voulez passer un bon temps, vous pouvez écouter ça pour... vous pouvez l'essayer, en tout cas. Passer un bon temps, ça s'écoute bien. C'est un 24 minutes, vu que c'est des 30 minutes les épisodes. Un 24 minutes, c'est des courts épisodes. Vous allez savoir assez rapidement si c'est fait pour vous ou pas. Ouais. Un épisode est très bien représentatif des autres. Si vous aimez pas les deux premiers, ben arrêtez, parce qu'ils sont tous de même. Donc, ils vont tout être comme ça, les épisodes. Alors, pour moi, c'est quand même un point positif. Alors, on sait à quoi s'en tenir avec une série comme ça. Bon, je l'ai critiqué, mais je vais le faire quand même, c'est des gros noms. Alors, c'est court. Les personnages, je trouve que certains personnages là-dedans qui sont attachants. Le lutteur que je vous parlais qui fait ça pour aller à l'université est je le trouve très attachant. Oh, zéro cardio, est très calme, très doux dans la vie en général. Le personnage de Carl, je le trouve vraiment le fun à suivre, vraiment le fun à voir réagir avec son père. Michel, le personnage de Carole par Michel Côté, non, il n'est pas attachant, mais Carl qui réagit avec son père, ça c'est plutôt attachant. Ils vont jouer beaucoup avec les flashbacks aussi de Michel Côté avant, comment il réagissait avec Carl, comment il l'a élevé. Je trouve que ça sont bien faits, malgré qu'ils sont classiques, oui, sont très classiques aussi, mais je trouve qu'ils sont bien faits. Alors, ces flashbacks-là, ils sont efficaces, je dois le dire, dans l'humour, sont efficaces pour justifier l'histoire de Michel Côté. Les enfants de Carl, surtout l'acteur que j'ai nommé tantôt, Elliot Milne-Deschenes. Il y a des personnages qui sont vraiment attachants là-dedans, qui sont vraiment le fun à voir évoluer, on va pas aller trop loin, mais qui sont le fun à regarder, là, alors à voir dans cette histoire-là. Exister, genre. Oui, c'est ça. L'enfant, avec son grand-père, Elliot est juste très attaché, et juste à mourir de rire. Là. C'est vraiment le fun comment il réagit, cet acteur-là, avec Michel Côté. Puis c'est de voir les deux. J'ai l'impression que Michel Côté, sur le tournage, là, je parle peut-être dans ma barre, j'ai l'impression que Michel Côté, sur le tournage, a dû être déboussolé par cet enfant-là qui a l'air de lui répliquer quasiment du même ton là, sur les plateaux de tournage. Là. Donc, attachant, court, puis bien sûr, ben ceux qui aiment la lutte, on va s'y retrouver. Il y a des scènes de lutte, on va se retrouver dans les vestiaires. Il y a des épisodes où on va parler plus de problèmes reliés à la lutte professionnelle, justement, ou reliés au milieu de la lutte professionnelle au Québec. Ils sont renseignés au moins là-dessus. Ils sont renseignés, ouais. Oui. Ça, on doit leur donner. Ils sont renseignés. Ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. J'ai fait quelques recherches pour savoir, OK, ça, c'est-tu vrai? Oui. Ils ont l'air de... Entre autres, ils disaient que la lutte professionnelle au Québec, ben c'est vraiment pas un bon gang-pain, puis que ça se passe dans des petits entrepôts comme ça, un peu à l'écart de la ville. Ben oui, effectivement, dans plusieurs places, la grande majorité des lutteurs professionnels au Québec, à part les gros noms qui vont vraiment aller aux États-Unis, revenir, la majorité de ceux qui font ça à mi-temps, un peu comme Carl, vont se retrouver dans des entrepôts, puis ils vont faire deux jobs de suite, puis ils vont essayer de concilier les deux. Là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quelqu'un qui aime pas la lutte ou que ça ne l'intéresse pas, il va quand même avoir l'aspect familial qu'on va traiter aussi par rapport à ça, qui est très drôle, qui est très sympathique. C'est très attachant de voir Carl, bon, qui a perdu son épouse, qui doit relever ça avec sa famille. Donc ça serait ça, avis en gros sur ça. Oui, c'est une série qui est très facile, c'est une petite série bonbon pour certains. Peut-être que d'autres, ça sera pas assez novateur. Moi, j'ai commencé ça, une fois que j'ai commencé ça, j'ai fait « Ah, j'ai trouvé ça attachant, j'ai trouvé ça bien pour quelques aspects. » J'aime beaucoup Rémi-Pierre Paquin, entre autres, comme acteur. Je trouve qu'il joue très bien dans cette série-là. Des bonnes idées. Sur certains gags, on doit leur donner, il y a certains gags que oui, sont pas novateurs, mais sont efficaces. Le père qui habite dans le jardin, dans un bateau, qui est là, qui est dans le jardin, qui fait des pratiques d'incendie pour ses enfants. ça, je trouve ça quand même drôle, qui va calculer toutes ses cannes. Le lutteur qui va se retrouver, qui va se faire une blessure sur scène, mais qui peut pas arrêter le spectacle. Et l'autre qui fait semblant de lui frapper dessus, mais que tu vois que c'est zéro crédible. Oui, certains gags sont efficaces, on doit leur donner. Certains gags, oui, vous allez peut-être soupirer, mais il y en a qui sont efficaces, faut leur donner, il y en a qui sont très efficaces, et il y a quelques épisodes qui sont très le fun à ceux qui sont très intéressants, d'autres, entre autres celui que je parlais dans la cage où ils sont enfermés puis qu'ils chiolent après, qui sont bon, un petit peu plus longues. Ouais. Donc, note finale, moi je dis que c'est comme une camisole avec beaucoup de couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Ah! Fait que, tu sais, c'est sympathique. Quand quelqu'un a ça dans son garde-robe, c'est sympathique, mais tu sais qu'il le porte pas souvent. C'est ça. Mais s'il voulait l'apporter, il pourrait, il l'a. Mais c'est une série que je pense que, oui, le découvrir, ou si vous voulez une petite série sympathique, oui, je pense que ça vaut quand même la peine, mais c'est pas la série. Tantôt, t'as parlé que c'était une série bonbon. Moi, pour moi, c'est comme la réglisse noire. Ça va être un bonbon pour certains, puis pour les autres, ça va être carrément comme arc, rebutant. Je suis assez d'accord. Je pourrais le voir. Entre autres, ma blonde, ma douce, elle va trouver que je parle d'elle souvent ici. On la salue. Elle aussi a pas vraiment accroché à la série. Elle a écouté quelques épisodes, mais je pense que c'est surtout que la grosse erreur qu'on peut faire avec cette série-là, c'est de les écouter un à la suite de l'autre. Là, oui, je pense que ça va être un surplus de gag comme ça, finalement, d'une série comme ça. Ça va être un surplus, puis je pense que vous allez vous écœurer assez vite. Si on y va petit à petit, entre deux séries, ça peut faire un bon entre-deux. Ah oui, alors, pour te nettoyer le palais aussi, sortir du café. Un trou normand. Tu sais, je comment? Ça va être un trou normand pendant un repas. Ah d'accord, je connais pas l'expression, mais je te fais confiance. Oui. Je chercherai ça. Un trou normand. Eh ben, écoutez. Je pense encore à Belle et Bum, puis Normand Bratois, je te pas. Dans le fond, si vous voulez mon menu, écoutez True Detective. Oui, True Blood après ça. True Detective. Ah, même compagnie. True Detective. Ensuite, enchaîné sur Orange is the New Black. Finissez par la théorie du chaos, vous allez bien dormir. Ok. Fait que... D'un trou à l'autre. En tout cas. La trouerie du chaos après ça. Bon, hey, moi j'avais comme une graine de blague, tu sais. T'as parlé que, tu sais, la règle d'histoire, t'aimes pas ça. Si t'aimais pas l'actrice, mettons Jennifer Aniston, tu sais. Il y a un gag à faire avec Aniston. Anis, réglisse noire. Mais tu sais, c'est comme une graine de gag. Faites-le vous-même. Ouais, ouais, ouais, c'est comme un gag dont vous êtes le héros. C'est là, exact. Ouais. Bon, alors nous passons à la pause publicitaire. Non. Merci Frédéric Bernard. Ben, c'est toujours un plaisir, alors. On fait Crackpot TV les mercredis à 8h30. Merci. Aniston. On va prendre une pause, mais une pause musicale. On va l'entendre, Lisa Leblanc. C'est une, une qui me laisse un peu comme la Rélisse Noire. T'sais, chacun a une Rélisse Noire. Moi, c'est Lisa Leblanc. Je l'aime pas tant que ça. Et pourtant, elle est blanche. Et pourtant. Donc, sur son album Highways, Heartaches and Time Well Wasted, on écoute You Look Like Trouble, But I Guess I Do Too au 89.1 FM. C'est dommage, ce titre-là. Ouais, ben note tout ça. Hein. Je vais te le dire. T'sais. C'est You Look Like Trouble, But I Guess I Do Too. The smell of your old cigarette has stayed on my coat, and even though I find it kind of gross, it somehow comforts me. The great thing about us is that we're practically the same, and you know that's what scares me the most. My heart's always traveled with me in my suitcase, and I guess I don't want to see it ending up in yours. Well, you look like trouble, but I guess I do too. Well, you look like trouble, but I guess I do too. You and I both know a gypsy's heart can't settle down, so if you don't mind me asking, what do we do? The same since you've been around. Lisa Leblanc et You Look Like Trouble, But I Guess I Do Too, assemblage requis. Il nous reste encore un petit peu de temps avant la fin de l'émission. Caroline, je regarde ça, puis on n'a pas le temps de commencer une autre chronique. C'est qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute une chanson. Ah! Oui, on va faire un petit peu de musique. On n'a pas écouté beaucoup de musique aujourd'hui, on doit se le dire. C'est vrai, c'est on a vrai. Surtout jasé. On va entendre une demande spéciale juste pour notre ami qui vient de nous quitter, Frédéric Bernard. Il est mort déjà? Non. C'est que c'est pour ça en sortant? Non. Hey, la mort. Non, c'est pas vrai. On parle pas de ça. Ah! non, c'est ça, il s'en va sur la route. Fiu. Ah, OK. J'imagine rejoindre... Sur la route de Dieu. Sur la route du bonheur. OK, il est pas mort. Non, okay, arrête okay, de dire qu'il est mort. Il y a personne qui est mort. Jamais dans la vie. Jamais. J'aime. Il voulait une chanson de Joseph Edgar. On l'a reçu en entrevue récemment à C'est Fou. Et l'entrevue, elle est sur le site de C'est Fou, au cifou.ca. C'était à l'émission Les Audacieuses qu'on a reçu Joseph Edgar récemment. Vous connaissez peut-être des chansons de lui qui joue ailleurs. Donc, on vous joue un extrait un petit peu moins connu. En tout cas, que je sache. Voici Pont Maquet de Joseph Edgar à Assemblage Requis. On revient. On va se dire au revoir pour la journée. Et puis, on va vous parler de ce qui s'en vient demain à Assemblage Requis tout à l'heure. Merci. Joseph Edgar et Pont Maquet à Assemblage Requis. C'est là-dessus que l'émission se termine. Oh non! Mais c'est comme ça, c'est comme ça! On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 pour une toute nouvelle édition d'Assemblage Requis. Demain, on va être jeudi, bien sûr, et demain, ce sera Laurent Constantin et Marie-Laurence Audet. Good! Les gars de la journée. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, c'est le marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante à 13h et les pas mal assez fous à 15h. À 18h, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. À 19h, les Audacieuses avec leur découverte musicale. D'ailleurs, on a parlé des Audacieuses tantôt parce qu'ils ont reçu Joseph Edgar en entrevue. C'est sur cefou.ca qu'on va retrouver ça. Dans quelques instants, à 10h, ce sera Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. On remercie bien sûr Véronique Mir. Bien sûr. Charles-Antoine Rioux. Frédéric Bernard. Toi, Stéphanie Paradis. Et toi, Mathieu Plante. Ah, Colin, t'es fine. Cif.ca, assemblagerequis.com. Et on se quitte avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Tu t'en vas où de même, Steph? Hein? Tu t'en vas où, mettons, après? Après? Ouais. Mon chenou. Ben, je te suis. Non, ça marche pas avec je te suis. Ça marche pas. Genre, j'ai pas dû au gym. Ouais, c'est ça. Et crime que non. Navarre, je te suis. À demain, bye. Bye. Je suis.